Ouais, j'ai pas eu le temps de le clavigraphier. J'ai tellement de voix, j'en étais allé au Québec, hein, avec Madame Serge, pas Sergerie, sa secondaire, là. Bon, alors il est possible que j'ai quelques hésitations dans la lecture du texte, Oui, puisque alors. Vous lentement, c'est peut-être, fait mais à la tiens. main, mais le temps que je m'habitue à l'écriture, là, puis on va y aller. Alors ce chapitre s'intitule Inventorier l'environnement et le caractère. Dans les leçons précédentes, nous avons démontré que la nature maintient un inventaire infailliblement précis de ses ressources. Des archives, des registres comptabilisent automatiquement l'usage de toute substance et de toute énergie. Tout être humain possède sa propre feuille de bilan dans l'économie karmique de la vie. Bon, voici, je crois que tout le monde a entendu l'expression les records akashiques, n'est-ce pas? Il y a une partie de l'atmosphère terrestre, qui est l'homme universel, qui est psychoclassique, ce qui veut dire qu'elle enregistre tout ce qui a été pensé, visualisé et entretenu avec énergie par l'être humain, collectivement aussi bien qu'individuellement. Alors la pensée humaine devient la pensée universelle, devient l'homme universel. L'homme universel possède la partie qui n'est pas de l'homme et la partie que l'homme a contribué à ce grand tout que, faute de meilleurs termes, on appelle l'anima mundi, l'homme du monde. Mais par l'homme du monde, dans ce sens-là, c'est l'homme de la Terre, qu'on représente par l'atmosphère, la grande âme. Le mot veut dire atmosphère, grande âme, c'est l'homme universel. Alors, ce record dont il est question, c'est tout ce que l'homme a entretenu, a pensé, a cogité au cours de son cheminement sur le plan terrestre. Ce sont les records akashiques, c'est ça que l'on retire par le bilan cosmique. Ça existe en permanence, de génération, de civilisation en civilisation. C'est pour ça qu'on peut retracer l'histoire de la pensée religieuse depuis les temps primordiaux, au tout début de la race humaine, parce que ça existe en permanence. Faisant suite à nos explications précédentes sur les valeurs objectives et subjectives, nous allons maintenant introduire une méthode permettant l'évaluation, le calcul de votre valeur réelle, partant du point précis et déterminé de ce que vous êtes et de ce que vous possédez. Nous débuterons par le dernier item pour ensuite entreprendre le premier, considérant alors l'environnement en tant que projection, extension du caractère. Si vous n'avez jamais encore procédé à l'inventaire de vos possessions matérielles, C'est un tour de force, prendre en je connais pas. considération, ça vient, prendre en considération les implications découlant de votre avoir peut s'avérer une expérience fascinante. Nous prendrons pour acquis, nous assumerons, pour les fins de ce propos, que vous n'avez jamais inventorié vos possessions dans votre environnement immédiat avant réception de cette leçon. Quelques personnes verraient l'avantage matériel concret de connaître leur valeur. Encore moins, pourtant, en comprendraient l'avantage spirituel de savoir la signification de leurs acquis. Pourtant, nous procéderons à vous démontrer que, en tant qu'unité économique de quelques retombées dans les affaires humaines, vous augmentez ou diminuez la valeur dans votre vie quotidienne et que ces valeurs relèvent essentiellement de deux aspects, objectifs et subjectifs. Bon, voici. Maintenant, c'est écrit d'une manière assez succincte. Une phrase peut donner lieu à plusieurs heures, parfois, de méditation, un paragraphe, disons. Mais comme vous aurez les cassettes de ces choses-là, vous les écoutez, vous direz, il y a quelque chose que je n'ai pas pu saisir immédiatement. Mais le tout est tellement bien enchaîné, je veux dire, ça représente tout ce que je suis en fonction de ce que j'ai accumulé dans ma vie. Mes possessions sont l'extension de moi. Tout ce que j'ai fabriqué, tout ce que j'ai acquis, c'est une extension de mon ego véritable. Alors, pour faire l'inventaire de nos possessions, ce n'est plus moins faire l'inventaire de soi. Je parle de ma maison, je parle de mon moi, l'extension de mon moi. Alors, c'est de ça qu'il s'agit de faire. Qu'est-ce que je représente, y compris mon ameublement, y compris mes amis, y compris mes activités bienfaisantes et mes responsabilités également. Alors, vous faites un bilan de ces choses-là, ce qui représente des hasards ou des passifs et ce qui représente des actifs. Alors, quand on a le bilan de ça, on sait à quoi s'en tenir. On dit, ça, c'est à progresser, ça, c'est à éliminer pour être libre de tout souci politique ou négatif. La première fois que je vois un enseignement ésotérique qui tient aussi rigoureusement compte de l'économie dans la vie, hein, oui, c'est très important. L'économie de notre actif aussi, justement. Ouais. Pour retenir ce qui a été bienfaisant, ce qui sera bienfaisant, ce qui est un actif, quoi, et éliminer ce qui est une perte de temps, ou du moins une dépense d'énergie. Alors, c'est tout le but de cette leçon qui fait encore partie des d'introduction, précisément. Alors, ça consiste à savoir tel que l'on a, y compris notre extension de nous-mêmes, notre soi, notre environnement. J'ai vu qu'à la fin de ces chapitres-là, il y avait un chapitre sur la méditation. Est-ce que c'est une initiation telle que dans les autres? Ça vient clore le... C'est un état que l'on doit cultiver afin d'éliminer tout ce qui n'a pas trait au sujet dont on se soucie dans le moment. Une méditation, c'est un demi-lieu de soi pour dire, alors tout le reste m'entoure, je n'ai qu'à faire le tour, puis me l'approprier. En fait, ça va être la troisième initiation théochristique. Exactement. Okay, oui, d'accord. Alors, on va essayer de s'y rendre, au moins, oui, jusque-là. Eh, c'est pas trop difficile à lire, mais heureusement que j'ai des lunettes. Ah oui, c'est ça. Moi, j'en ai, mais... Ça tombe à pic. Mais mes verres en plastique tombent souvent dans ma choupe. Alors, il est dit ici, lorsqu'une valeur objective s'accroît, elle augmente la valeur réelle de l'environnement au sein duquel l'individu fonctionne. Pourriez peut-être expliquer d'abord c'est quoi une valeur objective et une valeur subjective? Une valeur objective, quelque chose sur quoi on peut capitaliser, miser. Alors, ça peut représenter une somme d'argent, ça peut représenter aussi des facultés que l'on peut exercer, ça peut représenter simplement une plus grande compréhension de notre environnement, ainsi que des gens qui nous entourent. Alors, ce sont des valeurs objectives. Je possède cette connaissance de moi en fonction de ma vie avec autrui. Ça, c'est des valeurs objectives. On est toujours en possession de ces choses-là. Une valeur subjective? Alors, une valeur subjective, c'est des fantasmagories que l'on peut se faire, des faux jugements. Voilà. Alors, ce sont des choses que l'on doit éliminer de ce bilan que l'on fera. Donc, ça, c'est subjectif. Ce n'est pas actuellement misable. On ne peut pas compter dessus. C'est quelque chose que j'imagine, que j'image, mais il n'y a pas de réalité objective derrière. Donc, lorsqu'une valeur objective s'accroît, elle augmente la valeur réelle de l'environnement au sein duquel l'individu fonctionne. Lorsqu'une valeur subjective augmente, elle agrandit la valeur réelle même de l'individu. Toute richesse tangible sous la forme d'édifices, de meubles, mobilier, d'équipements, de vêtements, de nourriture et de fournitures constitue des flèches indicatives de la valeur objective. Toute valeur apparaissant, se manifestant sous l'aspect de vertu, d'aptitude, de qualité de perception, d'agilité intellectuelle, ainsi que de pouvoir spirituel, sont définis en termes de valeurs subjectives. Ça se décrit en un seul mot, c'est la formation du caractère, puis la somme totale des caractéristiques que l'on a bien assimilées et auxquelles on s'est bien identifié, afin qu'on puisse toujours en disposer à bon escient. Ça, c'est le moi personnel. Je suis cela et je vais ceci. Hein? Alors, avoir procède d'être. Hein? Le progrès économique, quel qu'il soit, objectif ou subjectif, repose sur un service quelconque. Afin que ce service soit constructif, par conséquent producteur de valeur, il doit bénéficier à quelqu'un. Ceci est un axiome. Vous ne pouvez bénéficier pour vous-même seulement que dans la mesure, la proportion ou des bénéfices ont été apportés à quelqu'un d'autre. C'est la loi du mérite. Vous ne récoltez que ce que vous avez semé dans votre environnement immédiat ou à la ronde. Et quand vous avez semé, ben la valeur réciproque vous retombe. C'est la loi du karma, comme on l'appelle, pour de meilleurs termes, de réciprocité. Action, réaction. De compensation. Ouais, la loi de Newton, troisième loi de Newton. Action mène une réaction. Deux, parce que l'action va dans deux directions et revient avec une face opposée. On devrait... Ce devrait, ou je ne sais pas en tout cas, il devrait, ça serait plus grave, il devrait s'avérer évident que votre économie personnelle constitue un reflet de votre progrès spirituel, c'est-à-dire qu'il est la mesure du degré, du niveau avec lequel vous influencez l'expression, la manifestation de l'ordre divin à l'intérieur de votre vie. Pour résumer, le progrès spirituel dans le meilleur sens du mot demande à s'exprimer par le biais d'un médium et sans un exemple probant de l'ordre divin dans l'environnement, la perfectibilité de l'individu par lui-même en tant qu'être divin, ne peut avoir aucune signification réelle. Voici ce qu'il s'agit, c'est de créer en soi un centre d'irradiation de bienfaisance en améliorant d'abord notre mode de vie et nos facilités de distribution de ce mode accéléré de bienfaisance. Et quand un nombre suffisant d'individus auront créé un noyau d'irradiation comme ça, à travers la planète, principalement dans ce nouveau monde, à travers l'Amérique, puisque c'est le nouveau monde, alors il faudra créer des nouvelles valeurs en partant des valeurs individuelles, puis les multiplier à la ronde afin de faire une nouvelle civilisation, une nouvelle race. Une race qui sera vraiment christique, c'est-à-dire bienfaisante. Alors c'est un peu pour cette raison-là qu'on appelle cette nouvelle race la race christique, au lieu de la race mosaïque, la race, etc. Hein? Alors ça c'est l'idéal à atteindre. C'est pour ça que l'on a pris comme nomenclature l'enseignement théo-christique. Alors chaque individu doit devenir un centre d'irradiation spirituelle et qui se manifeste par le biais de la distribution des matières, du matériel, mais du matériel visant à l'amélioration de l'esprit collectif aussi bien qu'individuel. Ayant ce concept présent à l'esprit, il devient essentiel d'analyser les ingrédients avec lesquels vous manifestez présentement l'ordre divin dans votre environnement actuel. Quelques-uns d'entre eux seront considérés comme de haute valeur, tandis que d'autres pourraient non seulement n'avoir que peu ou pas de valeur, mais pourraient fort bien au contraire s'avérer détrimentaires à l'ordre divin que vous cherchez à exprimer. On ne saurait trop insister sur le fait que l'ordre divin, au sein duquel vous existez en tant qu'entité divine, constitue le critère fondamental pour évaluer votre statut dans le monde spirituel de l'initié. Voici. Alors, comme on a dit à outrance, que le mot initiation implique toujours un commencement, mais s'il n'y a pas eu de commencement, il n'y aura pas de cheminement. Alors, quand un nombre suffisant, excusez si je me répète, réaliseront que le moindre noyau d'irradiation peut créer un vortex qui se multipliera à la ronde, là on dira vraiment l'élément christique s'introduit dans tout l'univers. Conséquemment, il y a beaucoup plus à cet inventaire qu'à simplement constater la valeur de ce que vous possédez. Le problème réside à savoir comment utiliser ces possessions. Prenez un crayon ainsi qu'un papier, de préférence une formule standard, servant à des fins de comptabilité, et détaillez sous plusieurs rubriques générales tous les biens se trouvant dans votre environnement immédiat. Dans l'éventualité où vous achetez une maison, ou en possédez déjà une, veuillez inscrire en premier cet item puisqu'il constitue préalablement l'article unique de plus grande envergure que vous aurez à noter. Procédez de même pour votre automobile, remorque, roulotte, camion, ou pour tout autre type de véhicule ou d'accessoire. Faites ensuite l'inventaire de votre mobilier par pièce, ou si vous préférez, par classification. Toutes les tables sous une rubrique et toutes les lampes sous une autre. Transcrivez finalement la liste de vos vêtements et de vos effets personnels, dont certains ne peuvent représenter qu'une valeur sentimentale. Avant de compléter, vous devrez avoir fait l'inventaire de chaque objet matériel de valeur économique quelconque, et si vous avez réellement procédé d'une manière rigoureuse, minutieuse, vous avez probablement inscrit beaucoup d'objets matériels inutiles dont vous avez l'intention maintenant de vous départir. Bon, vous voyez maintenant qu'en procédant de cette façon-là, en faisant cet inventaire, en réalité, vous ne faites que devenir de plus en plus conscient de ce que vous êtes, en incluant les choses auxquelles vous vous êtes voué, pour lesquelles vous avez dépensé de l'énergie, et dont ce qui vous reste, c'est l'aspect matériel. Mais ça fait encore partie de vous, c'est vous véritablement. Alors, ce qui est embarrassant, vous l'éliminez, causé par de mauvais jugements dans le passé, mais ce qui est bienfaisant, alors vous l'acceptez, vous dites, ça c'est moi, pas rien que ce qui apparaît en surface dans mes jeans, mais tout ça. Alors, cet inventaire de vos actifs, et l'élimination de vos passifs, alors ça vous rend pleinement conscient de votre véritable valeur. Ainsi, vous pouvez agir efficacement dans tous les domaines, dans le domaine de l'utilité publique. Donc, il faut donc d'abord savoir ce que l'on vaut. Ce que l'on vaut, justement. Savoir ce que l'on veut, après. Hein? C'est d'abord, exactement, puisque les autres veulent aussi. Il n'est pas dépassé des deux limites, non plus. Après avoir terminé l'inventaire, ou en même temps, si vous préférez, évaluez la valeur de tous les biens inventoriés. Cette estimation peut comporter des complications, mais vous serez étonné de ce qui peut advenir lorsque l'implication de ce procédé d'inventaire commence à se faire connaître. Il ne vous est probablement jamais encore apparu combien peu l'ordre divin se manifestait, se reflétait dans votre environnement. Bien que vous ayez pensé, vous trouvez indubitablement sur la voie menant vers une haute initiation spirituelle. Aucune initiation spirituelle ne peut survenir dans la vie d'un individu qui ne possède pas le sentiment d'un ordre divin dans son environnement. Soyez fermement convaincu que l'initiation spirituelle telle qu'élaborée et pratiquée dans les écoles sacrées du monde occidental progresse proportionnellement dans l'homme intérieurement, tout comme l'ordre divin se manifeste dans son environnement extérieur. La raison en est simple. À moins que l'initié ne prenne contrôle de l'économie relevant de sa prédiction, non, de sa juridiction, okay, il permettra, par défaut, aux forces de matérialisme de s'en emparer à des fins adverses, contraires à son bien-être et à celui de l'humanité. Si le nouvel âge ne doit pas souffrir du contrôle par des forces destructives, le nouvel ordre économique doit être guidé par les forces spirituelles, dont l'intention est de mettre la production, la distribution et l'usage de la richesse entre les mains d'une administration humanitaire organisée. Justement. Et en définitive, cette organisation humanitaire est gérée par quelque chose de surhumain, transhumanisé. Alors l'homme n'est ni plus moins qu'un initié dont la fonction est de rassembler pour lui-même les choses qui sont utiles et afin de les distribuer efficacement et de manière bienfaisante. Alors cet inventaire est indispensable pour savoir ce que l'on est, ce que l'on vaut et ce que l'on peut faire. Et là, cette conscience spirituelle est basée sur les acquisitions matérielles qui en réalité étaient des élans spirituels que l'on éprouvait dans le passé, que l'on convertit en valeurs tangibles pour en avoir les témoins. Si le progrès spirituel n'avait aucun lien de parenté, aucune correspondance avec l'ordre divin et son établissement, son édification sur la terre, par le biais d'une condition, d'une coalition, d'une alliance des citoyens initiés concernés, le royaume du Christ ne jouirait d'aucune fondation pouvant soutenir le perfectionnement des institutions humaines sur notre planète. Mais voici, il y a eu plusieurs étapes dans le cheminement spirituel de l'homme. On ne parlera pas des codes de Morabi, des codes de Manu, mais on va parler du décalogue de Moïse, et il a duré pendant 2800 ans, et son temps est passé. Maintenant, ce sont les béatitudes, les choses qui mènent au bonheur, qui entrent en jeu. Autrefois, c'était des négations, maintenant, ce sont des affirmations contrôlées. Alors, les béatitudes, c'est « Sois heureux si tu agis de cette façon ». Autrement, « Sois puni si tu agis de cette façon ». Alors, on prend l'aspect positif, maintenant, de tout enseignement spirituel. Alors que Moïse, c'était la loi du taillon. « Si tu agis comme ça, tu seras traité comme ceci. » Avant ça, c'était comme les ânes qu'on faisait avancer avec des coups de bâton. Maintenant, exactement. On nous met une carotte en avant. Une carotte en avant. Il y a l'espoir d'une récompense. Oui. Alors, ce temps-là est passé. La loi mosaïque est épuisée et on prend la loi christique. Et on a tendance souvent à mélanger le personnage historique, le Judas Gamala ou le Galiléen, avec la conscience solaire. Mais on peut dire, quand on emploie le terme christique, la conscience solaire. Pas simplement la conscience terrestre avec cette petite expérience limitée. Alors, la conscience de nos prédécesseurs, ceux qui nous ont guidés à travers notre cheminement. Alors, avec cette conscience-là, la conscience solaire, alors on peut aller avec plus de lumière. L'initiation au sein de l'école des mystères théochristiques lémurienne correspond à la citoyenneté dans le royaume du Christ. Ici réside la clé qui ouvre la porte à tout le nouveau monde de l'ordre divin. Voilà la bonne nouvelle que l'Église était chargée de communiquer depuis 2000 ans. Excusez-moi, je t'interromps, mais c'est tellement point. Était chargée, et à laquelle elle a failli misérablement. Ouais. Bon, alors, on la stimule, on dit revenir aux vraies valeurs, hein, qui a commencé à le réaliser à tel point que il s'agit de faire le tour du globe pour réparer les omissions du passé. Ah, alors, c'est pas trop tôt. Hein. Alors, le Jésus de l'or et la banque du Saint-Esprit, elle va se convertir en valeurs réelles. Donc voilà la bonne nouvelle que l'Église était chargée de communiquer depuis 2000 ans, mais qui de toute évidence a échoué dans sa mission étant donné la laïcisation, la désacralisation, sécularisation de la religion chrétienne. Justement, la religion chrétienne et la religion christique, il y a une distinction à faire, n'est-ce pas, hein? C'est chrétien, c'est simplement une espèce de solidarité ou sodalité qui a remplacé la fraternité universelle. Alors ça, c'est le changement qui doit se faire. Alors, c'est un égrégore de toute la race. À moins que le message du royaume ne soit pris au sérieux partout par les gens en cause, la volonté de Dieu ne sera pas faite sur la terre comme au ciel. Aussi, cette phrase-là, on la trouve déjà dans la table d'émeraude, ce qui est en haut, et l'idéal de ce qui doit être en bas. Et dans toutes les Gayatri, dans toutes les paternosters, il y a cet axiome-là. Que ce qui est en bas soit l'équivalent de ce qui est en haut. Et le geste chrétien avec lequel on s'identifie, le signe de la croix, veut dire exactement ça, que ce qui est en haut se réfléchit de ce qui est en bas à travers toute la surface de la terre. On dit ça toujours. Hein? Alors, c'est cet idéal-là qu'il faut actualiser maintenant. Et ça commence dans le Nouveau Monde après 300 ans de tentatives, mais il est temps que ça bouge. C'est une période de gestation, et là, ça commence à se matérialiser. Et de plus en plus. On commence à voir la tête du bébé. Ah oui! Alors, si vous possédez votre propre maison, renseignez-vous sur sa valeur actuelle sur le marché. Si vous en achetez une, inscrivez-en le prix en toute équité, impartialité. Si vous louez, vous ne possédez évidemment aucun titre de propriété et vous ne pouvez pas, par conséquent, réclamer et annoter un montant pour cet item. Plusieurs États jouissent des lois relatives à la propriété communautaire, communauté de biens, qui divisent en parts égales la propriété entre mari et femme. Pour les buts déjà mentionnés de notre inventaire, il n'y a aucune différence fondamentale entre le fait que vous soyez seul propriétaire ou que vous partagiez cette propriété avec votre compagnon. Si vous étudiez ces leçons avec votre conjoint, inventoriez ensemble vos biens devrait constituer une expérience agréable. Mais si vous étudiez seul, bien que marié, procédez alors à cette tâche, faire l'inventaire, selon votre bon jugement. L'important est de connaître ce que vous possédez, sa valeur, et en quoi cette propriété vous aide à réaliser dans votre vie le concept que vous avez de l'ordre divin. Procédez ensuite de la même manière avec votre automobile que pour votre maison. En termes de valeur sur le marché, si vous êtes propriétaire, ou en termes d'équité, si vous ne possédez qu'une partie. Faites de même pour vos meubles, votre équipement, vos fournitures et vos effets personnels. Vous êtes probablement confronté à trois sortes de propriétés, à savoir celle qui est achetée, celle qui a été donnée et celle qui est empruntée. Considérez les biens cédés en tant que biens achetés dans le but d'en établir la valeur et ignorez la propriété empruntée puisqu'elle ne vous appartient pas. Ayant complété l'inventaire, à votre pleine satisfaction, ayant établi la valeur des divers items retrouvés sur la liste que vous avez compilée, l'étape suivante ne constitue qu'une simple opération mathématique. Additionnez les chiffres que vous avez en main et ajoutez ensuite à cette somme ce que vous pouvez posséder parmi les items suivants. Argent liquide, dépôt bancaire, fonds et actions, ou non, pardon, ça peut être bon. Bon et action, je obligation, pense. Obligation, oui. Dans le genre d'obligation. Ainsi que toute autre valeur monétaire. Vous considérez les assurances aussi comme dans ce domaine-là. Ce montant final représente ce que vous valez en termes de ressources matérielles ou de valeurs tangibles. Ce que tout cela signifie, que c'est tout ce que vous possédez pour démontrer dans un sens matériel les services que vous avez rendus depuis des années. Votre propriété s'avère le résidu de la valeur produite depuis que vous avez entrepris de gagner votre vie et possiblement celle de votre famille. L'unique autre valeur auquel vous pouvez possiblement prétendre pour tous vos efforts passés est ce que vous avez été en mesure de retenir sous forme d'expérience résiduelle, perfectionnement, raffinement du corps, des émotions, de l'esprit et du caractère. Mérité jusqu'à maintenant dans la conquête de votre moi limité. Moi, c'est ce qui se résume avoir une idée bien concrète de ce que l'on vaut pour autrui, aussi bien que pour soi-même. C'est augmenter votre sens de dignité. Savoir ce que vous êtes, non pas ce que vous semblez. Alors, tout ce que vous avez acquis dans le passé, que ce soit des valeurs tangibles, des valeurs visuelles ou immatérielles, force de caractère, faculté, alors ça fait partie de vous, ça. Alors, c'est une plus haute conception que vous développez de vous-même, enfin de dire, voici ce que je vaux, ce que je suis. Et je pourrais en utiliser dorénavant avec plus de confiance et avec plus d'efficacité. Une fois votre inventaire complété, gardez-le sous la main pour référence rapide. Vous constaterez au cours des semaines et mois qui suivront que son importance s'accroît à mesure que vos plans futurs se dessinent de plus en plus. Soyez résolu à ajouter de nouveaux items à vos biens matériels que vous considérez essentiels à la concrétisation de votre plan. Décidez-vous à éliminer, à vous débarrasser des choses qui tout bonnement restreignent vos mouvements et qui, par conséquent, vous alourdissent d'une responsabilité inutile. Il n'y a pas de liaison, d'une responsabilité inutile. Qui veut aller loin, ménage sa monture, voyage légèrement. Cela signifie voyager d'une manière qui soit commode, efficace et heureuse, sans la perte d'énergie précieuse résultant de tensions physiques, émotionnelles ou mentales en cours de route. Alors, comme vous voyez, cela semble réduire notre valeur matérielle, notre potentiel spirituel à des objets. Mais la vie est objective ou elle est subjective. Si elle est objective, on peut transiger. Subjectivement, on peut simplement influencer notre voisin, notre prochain. Alors, toutes ces valeurs matérielles que l'on a acquises et qui avaient une fonction prédéterminée contribuent à notre efficacité spirituelle. Et puisque le but est de servir, alors servons-nous des choses que nous avons accumulées avec jugement pour être plus efficaces dans dans nos relations avec nos semblables. Et en vue du moins jusqu'à un certain degré, la relation existant entre votre inventaire et le plan que vous désirez réaliser, celui de servir et de participer au grand travail des frères aînés, déterminez dans quelle mesure vous considérez que cet inventaire peut être modifié pour épouser la situation idéale que vous imaginez et visualisez. Ne jamais oublier que la pleine efficacité de cet enseignement repose sur la pierre fondamentale du service et que cette détermination, cet engagement à servir, doit être soutenu et renforcé par l'action réelle et concrète. La bonne volonté n'est pas suffisante. Vous devez vous organiser en conséquence. Alors seulement, vous pouvez justifier votre appartenance à la véritable fraternité de l'homme. Seulement alors, vous pouvez vous distinguer en tant que citoyen initié de la civilisation mondiale suprême. Il est donc suggéré que vous procédiez à un deuxième inventaire dans lequel on retrouve tous les items du premier inventaire qui, selon vous, s'avèrent indispensables pour le plan réalisé. De cette manière, vous pouvez améliorer vous pourrez améliorer les ressources requises pour accomplir le plan. Cette partie du grand travail, du grand plan auquel vous devenez personnellement engagé est liée. On ne saurait le répéter trop fréquemment, dans l'étude ésotérique, rien ne peut être gagné sans un plan d'action conduisant à l'accomplissement d'un service personnel bénéficiant à l'humanité. Cette chose est bien importante. Celui de s'améliorer afin de pouvoir être de plus en plus bienfaisant. Et quand cet esprit-là sera partagé par un nombre suffisant, alors le monde sera véritablement rénové à la ronde. Et ce mouvement universel qui commence dans ce nouvel univers, on peut appeler l'Amérique ce nouvel univers, ce berceau de la nouvelle civilisation, alors ce sera véritablement une rénovation totale de la race humaine. C'est à ça que l'on vise. Et tous les mouvements ésotériques, les mouvements qui surgissent un peu partout, visent à ça. Créer des noyaux d'irradiation solaire. Donc ce service doit s'insérer dans le cadre du grand dessein inspiré par le gouvernement intérieur mondial. De même, est-ce que c'est intérieur ou antérieur? Intérieur, oui, oui. De même qu'un voyageur ne songerait pas à entreprendre un voyage prolongé sans consulter une carte géographique du territoire qu'il se propose de couvrir, De même également, il ne serait pas sage de votre part de songer à votre avenir sans estimer la distance que vous désirez parcourir et sans considérer le moyen de transport que vous désirez utiliser. L'inventaire que vous avez compilé représente le véhicule dans lequel vous circulez, dans un sens large, et chaque parcelle de cette liste, à partir de maintenant, doit vous mener quelque part. Sinon, cela est vain. Pour les fins de votre progression sur la route de l'évolution. Ça se demandait bien quels sont mes actifs dont je puis, sur lesquels je puis capitaliser pour poursuivre mon cheminement à travers ce pèlerinage. Alors vous êtes en pleine possession de vous-même et de votre environnement immédiat qui est l'extension de vous-même. Alors vous dites je peux agir maintenant, je sais ce que je détiens, ce que je vaux et ce que je veux. Alors on agit en pleine connaissance de cause. Si le bilan donne zéro, on est-tu un vaurien à ce moment-là? Non, là, il faut dire d'acapot, il faut recommencer tout à neuf. Mais je veux dire, comme bien des individus disent, à quoi bon recommencer si on tourne en rond? Alors, il ne faut pas pétiner sur place, mais quand on a pris connaissance de notre état présent, objectivement, on peut dire, je recommence, mais dans une direction, le soleil devant moi, et on laisse l'arrière à l'arrière. Un pas en avant, on nécessite un autre en arrière. Dans cet inventaire, là, il ne faut pas oublier d'inclure les cassettes de l'enseignement théocratique. Ah oui, ah, oui. La valeur, ça. Ah, certainement qu'ils ont de la valeur, oui. On y met une valeur objective ou subjective, ou les deux? Je pourrais mettre les deux, parce que c'est plus facile d'écouter une cassette que de lire un texte, n'est-ce pas? Surtout celui-ci. Ouais. Alors, il y en a qui nous ont appelés il y a quelque temps à Sainte-Julienne, demandé si on pouvait avoir toutes les autres cassettes. Parce qu'il y avait une lacune dans le troisième ou le quatrième, je ne sais pas. Oui, je crois. Alors, ben, je dis, adressez-vous à Mario, parce qu'il va vous en donner un, du coup, je vous laisse. Alors, d'abord, nous les lisons comme ça, bâton rompu. Et mon texte n'est pas toujours très, très lisible. C'est un tour de force pour toi de faire ça. Mais j'ai tellement peu de temps, hein. Et vous avez travaillé avec acharnement, là. Ah oui, franchement, ouais. Oui. Je travaille de minuit à 6 heures tous les jours sur ça. Ouais. Je m'endors sur mon texte. Alors, à la lumière de cette nécessité, à savoir le besoin de connaître les ressources spécifiques requises pour le travail dont il est question, il serait avisé que vous mainteniez un inventaire perpétuel à partir de ce mois-ci. Un tel inventaire se verrait dans un état continuel de changement, les vieilles valeurs établies et instituées étant conservées et accrues, et les éléments superflus et indésirables convertis en des choses désirées et utiles au travail considéré et envisagé. Vous serez surpris du plaisir que vous retirerez à vous débarrasser de ces items provenant de la vieille façon de vivre périmée et à envisager ce qui doit être acquis à mesure que se déploie la nouvelle vie. Non seulement doit-il se manifester un changement fondamental dans vos attitudes et perspectives d'un point de vue psychologique et métaphysique, à mesure que vous poursuivez ces leçons. Mais doit également apparaître une modification essentielle dans votre modèle, votre patron économique, tel que mis en évidence par votre inventaire. À moins qu'une rectification précise et déterminée ne soit faite dans la manière dont vous dépensez votre argent, à moins que votre richesse accumulée n'indique clairement ce que vous désirez accomplir au nom de ce noble dessein que vous avez embrassé, vous n'avez, de toute évidence, pas encore fait la transition de l'ancienne à la nouvelle vie, l'objectif que se proposent ces leçons. Et voici, dans ce domaine, on pourrait ajouter aussi les choses qui nous ont absorbées intellectuellement, également les lectures faites à droite et à gauche, auxquelles on a tendance à retourner, parce que dès le début, on n'en voyait pas l'importance, mais retenez. Ne retenez que ce qui a trait à l'amélioration de soi, à la pleine connaissance de soi, de ses actifs, afin de concentrer sur ce qui est vraiment utile et profitable. Alors, élimination de certaines lectures, plus ou moins profitables, et concentration sur le thème ou les thèmes qui se marient objectivement avec l'enseignement christique ou théocratique. que la vie spirituelle soit le noyau central et que tout l'environnement matériel soit ni plus ni moins la radiation de cet enseignement. Et tout ce qui est désuet du passé, alors l'éliminer, afin de dire, dorénavant, on regarde le noyau central, le noyau solaire. Nous devons par conséquent nous déplacer des valeurs du milieu et de l'environnement vers les valeurs spirituelles. Nous pouvons y parvenir en quittant le monde des choses et des objets pour se diriger vers la considération du monde des vertus. Cela nous amène à l'une des doctrines fondamentales de l'école théochristique, ce système de l'évaluation du caractère qui permet à chaque aspirant, à l'initiation d'analyser, de faire l'inventaire de ses propres ressources spirituelles, tout comme il le ferait de sa propre richesse matérielle. Justement, de ses acquisitions caractérielles. J'avais non seulement recommandé, j'avais l'intention d'amener ce tableau, n'est-ce pas? Est-ce qu'on l'a apporté aussi? De quoi est-ce qu'on parle? De quel tableau? De la croix certie? La croix certie. Est-ce qu'on l'a apporté? On l'a vu. Ah oui, c'est vrai, c'était exposé ici, ça a été filmé sur... Elle a été filmée? Oui. Oui. Maintenant, il y aura quelques élaborations à faire sur la valeur de méditation de cet exposé-là. Alors, vous avez apporté, je crois. Alors, on l'a photographié, puis on peut la reproduire. Oui. Alors, il y a un texte qui correspond à chacun des diamants, des joyaux qui sont, avec le noyau central, qui est le noyau christique, l'âme de diamant, l'âme de saphir. Il faudrait déléguer ce genre de fonction ou de travail de reproduction de ce dessin à Mario Gosselin. Ah, mais oui, alors, Mario. Ouais, on opte pour ça, oui. À main levée, à l'unanimité. Mario devrait la reproduire pour tout le monde. Une belle fonction, un beau, heureux. Une belle reproduction, 8-10, par exemple, hein. Puis on peut mettre sur notre mur, pareil comme ça. C'est ça. Alors, Mario, je te prie pour ça. On va ajouter une 25e heure à la journée pour faire ça. Oui. Pas de problème. Alors, il est dit ici, le perfectionnement de soi comporte de nombreuses ramifications, mais en termes de ressources spirituelles, ces dernières constituant l'essence des expériences vécues et comprises. Ce progrès peut être ramené à une définition du caractère qui embrasse 12 vertus fondamentales et qui, en s'additionnant, ajoute à la maîtrise de l'individu initié. Le degré d'initiation, alors, est tributaire du nombre de vertus qui ont atteint leur plein épanouissement. C'est ce qu'on appelle habituellement les 12 cerveaux d'Hercule, les 12 chevaliers de la table ronde, les 12 vertus cardinales, les 12 signes du zodiaque. Hein? Alors, c'est le duodénaire, c'est la loi du duodénaire, l'homme complet, l'homme solaire, qui a la conscience solaire, qui est composé par tous les signes du zodiaque. Toutes les qualités que le zodiaque, les zodions du zodiaque représentent. Hein? L'être-té, le sens de possession, le sens d'acquisition, le sens de pondération, tout ça. Alors, c'est le tour de la roue, ni plus ni moins, la roue du destin. Alors, c'est 12 vertus théologales et psychologiques visent à une compréhension totale de notre être, dans ces 12 aspects. Puisqu'il existe une correspondance directe entre la manifestation, l'expression d'une vertu et l'exercice d'un talent, l'un se retrouve dans l'autre. En résumé, l'un implique l'autre. Cette correspondance étant développée dans une leçon ultérieure, vous pourrez ainsi mieux apprécier la véritable praticabilité. C'est pas très français, hein? Oui, je sais pas. Mais on comprend. C'est pas pratique, oui. Viabilité du parfait idéal. Pour l'instant, nous nous contenterons de limiter notre exposé aux composantes spirituelles de ces talents qui transforment les humains mortels en maîtres. Nous vous suggérons maintenant de prendre un crayon et du papier, de préférence le même formulaire de comptabilité utilisé précédemment pour l'inventaire de l'environnement, et inscrivez-y les items fondamentaux qui constitueront dorénavant vos ressources subjectives. Ces items sont au nombre de 12 et vous devez les écrire dans l'ordre suivant. Premièrement, indulgence. Deuxièmement, charité. Troisièmement, dévotion, dévouement. Quatrièmement, discernement. Cinquièmement, humilité. Sixièmement, bienveillance, bonté. Septièmement, courage. Huitièmement, exactitude. Précision. Neuvièmement, patience. Dixièmement, sincérité. Onzièmement, tolérance. Et douzièmement, efficacité. Oui, si vous introduisez tous ces éléments-là dans tout votre cheminement, alors vous ne pouvez pas faire autrement que d'accomplir l'excellence tout autour de vous. Parce que vous avez songé à tous les aspects d'un geste quelconque. Étudiez ces vertus soigneusement. Elles devraient s'expliquer d'elles-mêmes. Si vous n'êtes pas certain de leur signification exacte, consultez un bon dictionnaire. Plus tard, dans la cinquième leçon de cette conception, vous seront donnés des énoncés plus précis quant à leur importance et signification en termes d'initiation lémurienne. Pour l'instant, nous vous suggérons de mémoriser ces vertus selon l'ordre énoncé et énuméré. Il s'avère essentiel, capital, de le faire ainsi à cause de la façon selon laquelle ces vertus seront reliées à la croix ornée de bijoux, symbole de l'homme divin. C'est important d'en avoir un ex voto sur sa table de travail ou en face de soi pour toujours avoir une remémoration de l'idéal que l'on vise à atteindre. Alors, Mario, ce sera une obligation. Donc, à cause de la façon selon laquelle ces vertus seront reliées à la croix ornée de bijoux, symbole de l'homme divin, et à l'étoile à six branches, symbole de l'ordre divin. Dans les leçons ultérieures, la correspondance entre ces symboles révélera d'une manière plus limpide comment l'intérieur et l'extérieur, respectivement le subjectif et l'objectif, constituent les deux aspects indivisibles d'une identique, ultime et divine perfection. Ayant ainsi pris conscience que les seules ressources spirituelles que vous aurez jamais à accumuler sont contenues dans les vertus si haut mentionnées, et que tout pouvoir spirituel repose sur le développement de ces vertus, en pouvoir dynamique de l'âme, vous voilà prêt à évaluer leurs forces, leurs faiblesses relatives. Excusez-moi, François, je citais seulement ce passage. Alors là, l'archevêché, il y a quelque temps, me dit, mon cher Alec, il discute, décrit là, c'est l'état de grâce, les pieds de bois. Tiens, c'est toi. Oui, c'est exactement ça, c'est l'état de grâce. L'état de grâce, c'est-à-dire l'état de complétion. Hein. Plénitude. Oui, plénitude, précisément. Mais je dis, enfin, mais oui, c'est ça. Je dis, on ne mentionne pas parce qu'on ne veut pas se parler de bon Dieu. Oui, mais c'est l'état de grâce. Hein. On pratique la sainteté, la sanité, pas au sens piétistique, mais la sanité. Là. Alors, tchou, mais c'est du christianisme intégral. Mais oui, mon homme, c'est ça. Hein, c'est un chat noir qui me disait ça. Il réalise soudainement. Mais c'est un bon administrateur. Vous devrez de toute évidence évaluer leur niveau de développement à l'aide de vos concepts actuels sur la façon dont vous agirez, si ces vertus étaient... sur la façon dont vous agiriez si ces vertus étaient pleinement manifestées à un examen. Cependant, afin de procéder à l'évaluation initiale, tout ce qu'il s'agit de faire consiste à classifier chacune des vertus dans un de ces trois degrés d'expression, à savoir F A pour faible, N pour normal et FO pour forte. Oui. OK. Faible, bon, normal, forte. Trois niveaux d'expression. OK. Ayant effectué ceci, vous aurez probablement divisé les 12 vertus en trois classifications selon votre évaluation, votre estimation du degré auquel sont exprimées ces mêmes vertus. Tenez maintenant surtout compte des vertus que vous considérez être fortes dans votre caractère actuellement. De ce nombre, sélectionnez celle que vous présumez être la plus développée. Cette vertu constituera l'assise d'un talent particulier et spécifique qui vous sera plus tard révélé et qui représentera la clé de votre initiation au sein du plan divin. Justement. Alors, cet état d'autocritique est précieux. Ça nous fait réaliser, quoiqu'avec beaucoup d'humilité, notre noblesse intérieure qui va toujours en se multipliant. Alors là, c'est véritablement se crucifier, se réaliser tel que l'on doit être, tel que l'on devient, inévitablement. Il doit être compris que la véritable initiation constitue, dans un sens, une confirmation, une reconnaissance de la part de la fraternité que vous avez atteint un certain niveau dans votre évolution, caractérisé par l'exemple, la manifestation d'une facette de la perfection christique. Personne ne peut devenir comme le Christ d'un seul coup, mais vous pouvez par contre devenir christifié ou conscient de votre identification avec Dieu par degrés. Il existe 12 degrés, et le cheminement doit être débuté, doit débuter quelque part parmi ces vertus qui représentent le passeport, s'il en était, de l'expression de votre vocation à l'intérieur de l'ordre divin. Il ne se trouve nul autre moyen de parfaire en une seule et même fois l'initiation occulte et mystique. Fondamentalement, rien d'autre n'importe que votre habileté à vous-même vous maîtriser. Retenez ceci, et que la fondation, la base sur laquelle repose toute maîtrise, est la vertu. Votre compréhension de la pleine signification de cette relation, de cette correspondance, représente à peu près tout ce dont vous avez besoin pour entreprendre d'importantes réalisations. Il n'est pas ici de notre intention de définir ce qu'est l'initiation en termes spirituels généraux. Ceci doit faire partie d'une leçon plus avancée. Tout ce que nous désirions mentionner à ce stade-ci de l'étude concerne la profonde application et la grande portée de tout ce qui se rapporte à l'ajustement de la balance de votre économie karmique. Si vous ne ressentez pas que votre vie est inséparablement entremêlée, entrecroisée à l'étoffe de la fraternité humaine, et que votre dessein en servant le monde est de remplir d'une façon désintéressée et méritoire vos obligations envers la fraternité aînée, c'est que vous n'êtes pas encore parvenu à toucher le bord intérieur du vêtement sans couture, sans assemblage du maître. C'est la robe du maître, oui. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas rien que de la psychologie, ce n'est pas rien de la métaphysique, c'est ni plus ni moins de la haute morale, la morale qui s'applique aux couches les plus profondes de notre être, afin qu'elles deviennent toutes extériorisées à mesure que nous procédons avec cet inventaire, cette reconnaissance de soi, en mettant l'emphase sur les points saillants et en éliminant ceux qui sont en souffrance. Alors, c'est cette culture de soi, c'est une reconnaissance de notre nécessité de s'ennoblir. De nombreux étudiants en sciences ésotériques croient que le développement psychique constitue une preuve d'initiation. C'est donc vrai ça, hein? On croit ça. Et que le progrès spirituel trouve son assise dans le développement, le déploiement des sens intérieurs. Pas nécessairement du tout, ça répond. C'est concomitant, mais ce n'est pas un but atteint. Donc il n'en est pas nécessairement ainsi. Le réveil des sens psychiques ou astraux, sous certaines conditions, peut retarder pour longtemps les progrès spirituels de l'étudiant. Surtout si c'est prématuré. Oui. Ça mène au phénoménalisme et tout ce qu'on cherche, c'est des phénomènes. Des sidis, comme on appelait autrefois. Ça peut mener aussi à la schizophrénie. Ah oh, oui, il y en a beaucoup, c'est un genre de Dieu comme ça, oui. Et je crois des initiés. Des initiés, oui. Des unifiés. J'en voulais, les sens. Afin d'éviter une telle possibilité, ne recherchez seulement qu'à servir et ne servez toujours que dans le but d'atteindre la véritable noblesse spirituelle. Nous suggérons qu'en procédant à l'étude de cette leçon, que vous fassiez un examen aussi profond et consciencieux que possible des deux inventaires exposés dans cette section, sans oublier les principes de compensation sous-jacents au procédé du registre de la leçon précédente, tandis qu'il s'avère facile de minimiser l'importance des archives des dossiers économiques sous la pression de d'autres besognes, un petit entraînement de ce secteur fera fructifier de nombreux dividendes dans les années à venir. De nombreux étudiants déclarèrent avec gratitude être financièrement solvables suite à cette instruction après de longues années de lutte économique, de misère et de privation. Ce qui a été réalisé pour d'autres peut l'être pour vous, mais vous seulement pouvez en prendre l'initiative. Vous seulement pouvez consentir à votre propre progrès. Justement, Alors, quoique de prime abord, ça puisse sembler une approche matérielle de la vie spirituelle, c'est important que la fondation soit solide sur laquelle on pourra bâtir, et avec sécurité et confiance. Alors, je pense que à travers les erreurs d'anglicisme que je vous ai introduit, je pense en anglais, mais j'écris en français parfois. Alors, on pourra détecter la valeur spirituelle qui est dans ça. Si vous observez scrupuleusement les suggestions contenues dans cette section, vous serez bel et bien en route vers les initiations que vous recherchez. Il demande parfois du temps à prendre une décision qui récoltera vraiment des bénéfices, et ce pour toujours. Et ces gains représentent la conquête de vos limitations financières, de votre santé, de la maîtrise de votre vie domestique, ainsi que la victoire sur votre carrière. Faites alors que ce moment vous soit profitable et qu'il le soit pour la race et pour le monde. Alors, on va s'arrêter ici parce que c'est la fin de ce chapitre. J'aimerais ça justement que l'autre soit sur une autre cassette, oui, peut-être. Oui, justement. Et on a commencé, c'est ça, il nous reste 5 minutes pour clore ça, si vous voulez faire peut-être un résumé. Alors, je répète cette dernière observation que je viens de faire, c'est que, quoi que de plus avoir, ça puisse sembler une concentration sur l'aspect matériel de notre être, de l'extension de notre être, c'est bien important de savoir ce que l'on a bâti tout autour de nous. La maison n'a autant beaucoup d'importance, mais le jardin qui l'entoure est parfois aussi important. Alors, en étant bien au courant de ce que l'on est, de ce que l'on a, alors on peut dire, voici ce que je pourrais, ce dont je pourrais disposer à l'avenir. Alors, cet inventaire est précieux, est important. On se demandait pourquoi, dans les autres leçons, il y avait toujours cet aspect économique qui revenait. On le comprenait pas, mais là, ça commence vraiment ça commence à se décider. Se révéler, là, oui. On comprend vraiment qu'il y a un aspect initiatique. Oh là-dedans. Oui, initiatique. C'est oui, fondamental. C'est l'aspect sécuritaire. Oui. C'est important. Ça. Puis il y en a tout le long de ça. C'est une base solide de béton solide pour commencer à progresser et avancer avec réalité. Oui. Puis là, on n'est pas. Il faut avoir les pieds sur terre, quoi, que la tête dans le nuage. C'est ça. Et puis, généralement, en ésotérisme ou dans le domaine de la spiritualité, on bâtit sur du sable ou sur des sables mouvants. Ben, c'est une vieille action. On bâtit sur le sable mouvant. Qui s'écroule. Ne subira pas le fait des... Il n'y a pas vraiment de réel progrès. Justement. Ouais. Alors, c'est important. Puis, le faire scrupuleusement, puis le faire complètement. Pour dire, voici ce que j'ai, ce que je suis, ce que je fus, et je peux maintenant déterminer ce que je serai, ce que je ferai. C'est du solide, c'est bâti sur du roc. Oui. L'enseignement théocristique. Alors, on fait une petite pause, maintenant, je pense, d'un quart d'heure. Puis, on vous remercie beaucoup pour cette première heure, Alexandre. Merci. Merci tout le monde. Dernièrement, j'ai mis la main sur une machine, une vieille machine Gestetner. Ça travaille mieux que la Xerox même. On peut faire les textes sur l'imprimante, l'ordinateur, avec les stencils, puis le mettre sur Gestetner, ça fait 100 pages à la minute. Ça fait que, on va démanuscrire, c'est propre. Subjectivement ou objectivement? Ah, positivement. Alors, cette section est intitulée « La construction du système économique de l'avenir ». Oui, c'est un gros problème dans la surface du globe. Hein? Nous avons déjà abordé sous différents aspects le sujet d'un système économique naturel tel qu'il prévalait en Lémurie, en Atlantide et en Israël. Nous avons retracé par exemple l'historique du droit d'auteur et du brevet d'invention à partir du moment où ils entrent en scène en tant que premier fruit, jusqu'à la période moderne où on les retrouve sous forme d'enregistrement légal. Nous avons considéré le problème des prix et des salaires et la manière dont les civilisations ont progressé et la périclité dépendamment de la justice, de l'équité maintenue dans cette relation des prix et salaires. Des plus intéressants peut-être peut notre référence... J'ai du mal à déchiffrer ça... Des plus intéressants, peut-être, il y a un mot là, notre référence, nos renseignements relatifs aux standards, modèles et aux mesures étalons. Tel qu'on avait décrit à l'élection précédente. Oui, justement. C'est ça, oui. Et qui ont évolué au cours des âges et qui sont finalement parvenus à déterminer la valeur au niveau environnemental et moral. Tout au long de cette discussion, nous nous sommes efforcés de souligner le rôle indispensable tenu par l'économie dans l'évolution de l'individu et de la race. Notre économie moderne, dans son stade opérationnel, n'est âgée que de quelques siècles et ses antécédents, lorsque retraçables, ne couvrent qu'une brève période de l'histoire humaine s'échelonnant de l'Europe et de l'Amérique contemporaine jusqu'à la Rome antique et Babylone. L'usage de l'argent en tant que commodité, pouvant produire de l'intérêt et pouvant être acheté puis vendu au même titre que toute autre marchandise tangible, est largement responsable de la misère abjecte et de l'oppressante pauvreté dans laquelle sont englouties des masses humaines depuis si longtemps. Aujourd'hui, on doit acheter de l'argent. C'est le dilemme que l'on fait face. Le bonhomme disait, papa, maman m'a demandé d'aller acheter de l'argent. La révolte périodique, régulière et répétée de ces mêmes gens contre les injustices du système a provoqué l'affaissement, l'effondrement de civilisations entières, même s'il semblait hautement improbable que ceci puisse se produire. Non, dans les temps récents, en Allemagne, par exemple, avec 14-18, c'est pas cet effondrement. Nous avons vu auparavant que la richesse est produite à chaque fois que du service temps est consacré, ou du temps service, à chaque fois que du service du temps est consacré à l'utilisation des ressources naturelles. Cette production est essentielle puisqu'elle résout le problème de l'existence humaine. Lorsqu'elle est utilisée au cours de la vie quotidienne, cette production devient de la consommation. En d'autres termes, quand un homme produit, entre parenthèses, il sème, il consomme également, entre parenthèses, il moissonne, récolte. S'il vous était possible de consommer pour vous-même tout ce que vous avez personnellement produit, sans aucunement dépendre de tout être humain, vous seriez alors entièrement autosuffisant dans l'ordre économique. À toute fin pratique, vous pourriez ignorer les efforts fournis par tous les autres travailleurs, puisqu'ils ne posséderaient rien de ce que vous désiriez et que vous ne détiendrez rien de ce qui les intéresserait. Cependant, la civilisation d'aujourd'hui est tellement organisée et élaborée que chacun se trouve à être un spécialiste dans le champ particulier de son activité professionnelle. Il s'avère par conséquent essentiel pour la survie que la coopération soit maintenue entre ceux dont les services et les produits leur sont nécessaires. Cette opération spécifique qui implique la notion d'échange se dénomme distribution. À moins que la distribution intervienne et produise de l'effet sur l'échange nécessaire entre les biens et les services dans l'ordre économique, la production et la consommation deviennent des actions, des phénomènes isolés et indépendants, dégénérant en une compétition conflictuelle entre les producteurs et les consommateurs, vu leur intérêt divergent, tout comme la pensée s'exprime selon trois états vibratoires, à savoir substance, intelligence et énergie, et que l'argent opère à trois niveaux d'activité, unité de richesse, unité d'échange et unité de service, il en va de même pour le système économique en entier, qui se manifeste par un mouvement en trois paliers, respectivement par la production, la distribution et la consommation. Alors ces trois aspects-là sont indissociables l'un de l'autre et se complémentent. Quand ils sont bien homologués, alors on a la clé de ce dilemme d'échange de valeurs sans départition de valeurs originelles et sans augmentation de valeurs fictives non plus. Alors, selon cette formule, le clavier cosmique peut être interprété de façon telle que la valeur trouve son expression dans ces trois opérations fondamentales. La production de la valeur, la distribution et la consommation de la valeur, ceux qui produisent de la valeur sous forme de richesses matérielles et que l'on retrouve généralement dans le domaine de la gestion, de l'administration, sont fréquemment identifiés au pouvoir du capital. Ceux qui consomment de la valeur en cours d'existence en échangeant leurs services pour l'obtention de cette même richesse matérielle sont invariablement identifiés au pouvoir du travail. cet endroit où les intérêts essentiels et fondamentaux du capital et du travail se rencontrent, puis se fusionnent en une motivation unique, le désir de tirer profit, de bénéficier de la production et de la consommation de la valeur, représente le point précis où survient l'échange ou la conversion de cette valeur. Cette zone constitue le domaine du banquier, du financier, du créancier, du grossiste et du détaillant. Toute économie, indépendamment du nom qu'on lui donne, doit tenir compte de ces réalités. Lorsque la société autorise ses citoyens à institutionnaliser les fonctions décrites ci-haut, les problèmes surgissent et aboutissent à un conflit. Afin d'éliminer cette guerre économique, il s'avère essentiel que chaque citoyen de la nouvelle économie, pour utiliser une expression biblique, devienne son propre producteur, son propre consommateur et son propre distributeur. C'est la situation idéale, mais on est loin d'y être encore. Il y aura avant la fin du siècle, on ne peut rien que rêver. Est-ce que c'est ce qu'il propose? Exactement. C'est ça. Oui, ça c'est la situation, la solution totale. Hein. Et, ça fait pratique. Ça tous fait les bien économistes bien, sont d'accord ouais. sur ces trois points. Ouais. Qu'on soit autosuffisant. Là. Oui, oui. On fonctionne un peu en autarcie, c'est en ça? En autarcie, le mot est exact, oui. Oui, autarcie. Le phénomène le plus facile à produire dans une économie est celui de la demande pour les biens et les services. Cette demande, sur une échelle mondiale, pourrait être tellement formidable et énorme qu'elle motiverait une production astronomique. Existe-t-il une raison qui explique pourquoi l'offre ne rencontre pas la demande? Oui, s'il s'en trouve une. Le blâme, de toute évidence, n'est pas imputable au producteur qui, lui, désire produire avec une marge de profit. Le consommateur n'est certainement pas responsable car il est avide de consommer, si on lui donne la possibilité d'acheter ce qu'il souhaite. La difficulté réside dans le système monétaire, qui n'accorde aucune réelle signification à la capacité de production de l'homme ou à ses besoins de consommation. Comment éliminer ce goulot d'étranglement de manière à ce que la production puisse rencontrer, satisfaire, la demande de consommation, à ce que l'incitation à produire et à consommer puisse prévaloir, déborder afin de déjouer et de modifier la tendance à supprimer la production et à entraver la consommation. Indépendamment de ce que vous préférez croire, la science moderne et la technologie se sont appropriés les mécanismes de la production. Quant à la consommation, elle est parvenue à un tel degré d'expression que la renier, l'enlever, a résulté en la révolte ouverte parmi les masses humaines. La question n'est pas de savoir si l'offre peut satisfaire la demande ou si la demande peut rencontrer l'offre. L'important est de déterminer si l'offre et la demande seront autorisées à se niveler. Alors, c'est là que le marketing joue entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, si l'offre et la demande seront autorisées à se niveler? Ça veut dire qu'ils sont équivalents l'un l'autre. Au même niveau. Okay. Au même niveau. Il n'y a pas si longtemps, il fut un temps où le monde, en général, était inconscient de la possibilité d'un niveau de vie qui soit supérieur à celui de la pauvreté généralisée. En fait, la grande majorité des humains étaient résignés à son sort, croyant que la souffrance et la famine constituaient des conditions inaltérables et inséparables de l'existence terrestre. C'est fini. Même de nos jours, à l'ère de l'atome et de la technologie spatiale, les 3/5 de l'humanité ne peuvent ni lire ni écrire. Les 4/5 n'ont que peu ou pas de quoi survivre, et les 9/10 requièrent des soins médicaux. La situation n'est pas très reluisante. Oh, incroyable, mais ce sont des faits. Vous pouvez vérifier par tous les économistes. Oui. Oui. C'est un autre bilan à l'échelon de la planète. Hein. Oui, oui. C'est pas planétaire. Reluisant. Pourtant, les vents du renouveau soufflent. Les vieux modèles totalitaires du féodalisme, du colonialisme et de l'impérialisme s'effritent et se désagrègent. La guerre pèse lourdement sur la conscience humaine. La pauvreté n'est plus tolérée. Pour la première fois dans l'histoire, des millions d'âmes, d'individus appauvris, illettrés et affligés sortent de leur léthargie chronique et réclament une vie meilleure. trouveront-ils parmi des idéologies déjà existantes ou parmi les gouvernements déjà en place? Ou exigeront-ils un ordre mondial entièrement nouveau, revisé, dont l'autorité, la direction humanitaire, sera préparée à répondre aux défis? Mais sur une échelle planétaire, ça demande l'intervention d'en haut, ouais. Seuls les Lémuriens et Atlantéens réincarnés pourraient composer le nouveau leadership si besoin est. Pourquoi? Parce qu'ils s'avèrent les seuls à posséder le niveau de conscience mondiale requis pour l'emploi, l'étendue universelle de la science atlantéenne, l'universelle portée de la philosophie lémurienne. Il incombe aux dirigeants de l'ancien monde, maintenant réincarné, de rectifier certaines de leurs anciennes erreurs d'agression économique et de conquête militaire, en unifiant le monde sur les assises d'une fédération politique volontaire, consentie et d'une justice économique universelle. Oui, mais ce ne sera pas nécessairement les Nations Unies telles qu'elles existent maintenant. Ce sera une nouvelle injection d'adrénaline. Par conséquent, le concept dualiste du capital et du travail ne constitue plus pour les Lémuriens et Atlantéens réincarnés une théorie soutenable. Ne peuvent également ces mêmes personnes dans des nouveaux corps consentir aux raisons à partir desquelles le communisme et le capitalisme doivent leur existence. Raisons invalidées par l'existence même de la science et de la technologie, par la conscience, le sentiment intime, et l'aspiration vers un idéal, raison d'ailleurs mise de l'avant par la pensée et la présence de ces mêmes individus. Alors, comme on voit, c'est un idéal très élevé, mais il est possible de l'atteindre en réalisant la nécessité puis l'inévitabilité de cette réalisation-là. Alors, ça s'en vient graduellement, et tous les petits noyaux de propagande qui s'ouvrent à droite et à gauche, et spécifiquement celui-ci, quoique un peu nébuleux parfois, y contribue énormément. Et même, je crois que bientôt, tous ces niveaux-là, tous ces niveaux-là, prendront la nomenclature de l'enseignement théocristique. Théocentrique, moi, on pourra. Bien que les scientifiques et les hommes d'État d'avant-garde reconnaissent la désuétude des sociétés modernes qui se meuvent selon des modèles socialistes et capitalistes, le contrôle de ces sociétés repose encore entre les mains de ceux qui favorisent leur continuité. Combien de temps s'écoulera encore avant que ces sociétés deviennent entièrement désorganisées sous les pressions d'une demande sans cesse croissante vers plus d'expression? On peut dire que déjà à la fin du siècle, il y aura une révolution totale, une révolution cosmique, une révolution planétaire totale. Et ça vient rapidement. Donc jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les gens refusent de tolérer tout système qui ne soit digne d'attirer et de garder des chefs spirituels qui servent le bien commun collectif. Il y en a peu, mais ceux qui sont en existence sont très efficaces. Ils ont une conscience vraiment planétaire. Comment alors créer un climat spirituel qui soit favorable ou qui contribue à l'élaboration d'une société dédiée à des fins spirituelles? La solution et dans l'élévation, l'ennoblissement de la demande, à savoir de l'acquisition matérielle vers l'orientation spirituelle. L'homme ne vit-il que de pain ou par le consentement de l'autorité divine? Les grands changements prenant place dans notre monde moderne sont des transformations provoquées, modifications organisées, planifiées, par une fraternité d'êtres accomplis qui répondent à une demande des gens de la Terre pour une vie meilleure. Réagissant à cette direction, quoique inconsciemment, certaines personnes choisissent de détruire le vieux, tandis que d'autres optent de construire le neuf. Les constructeurs, édificateurs et les destructeurs sont en fait complémentaires, les deux constituant des éléments essentiels du processus créatif en activité. Lorsque la destruction s'avère complète, la création est terminée, consommée. L'objectif de tout changement devant résulter au perfectionnement de l'individu et de sa société, la manière selon laquelle la demande de changement doit être exprimée est laissée à la discrétion individuelle et collective. S'il n'y a que le bénéfice personnel qui vous intéresse, la demande prendra une teinte d'égoïsme. Mais si vous espérez un changement collectif quelconque, la demande sera motivée par une plus grande compassion. Pour obtenir ce que vous désirez, vous devez créer une demande qui soit en accord avec votre conscience. Puisque le système financier actuellement en usage est contrôlé par des gens qui demandent pouvoir, influence et richesse au seul niveau matériel d'expression, l'économie est dominée par ceux qui recherchent pour une grande part à utiliser l'argent à des fins égoïstes. Les personnes de conviction, d'orientation spirituelle, doivent maintenant prendre la responsabilité de faire une demande de fonds à la hiérarchie spirituelle afin de financer le travail spirituel. Ne croyez pas, parce que nous affirmons ceci, qu'il existe un moyen magique de circonvenir la loi naturelle de l'offre et de la demande. Tout ce que nous disons, c'est qu'un nouvel ordre économique ne peut se faire jour qu'avec l'aide d'économistes spirituels, utilisant de l'argent spirituellement consacré à des fins spirituelles. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons à propos de l'offre et de la demande étant illimité, mais tant et aussi longtemps que les gens permettent que leur argent soit utilisé pour faire la guerre et maintenir la pauvreté, deux aspects de la même chose, l'économie de rareté, de pénurie et de destruction continuera à prévaloir. Sans les deux mots. Il peut sembler qu'il y a bien peu. Il peut sembler qu'il y a bien peu qu'un individu puisse faire face à l'apathie générale manifestée par ceux qui sont satisfaits des choses telles qu'elles sont. En fait, vous pouvez faire beaucoup pourvu que vous le fassiez avec une compréhension spirituelle. Le premier pas est d'admettre que de vastes sommes d'argent sont nécessaires et requises pour le grand travail de construire les fondations du nouvel âge. La deuxième étape consiste à vous engager à utiliser cet argent libéré à des fins qui s'insèrent à l'intérieur du plan divin. Si l'étudiant hésitait à faire une telle demande pour des ressources au-delà de sa capacité actuelle de gagner à la sueur de son front, rappelez-lui la formule classique pour la réception de toute chose, telle que consignée dans Matthieu. Et tout ce que vous demanderez avec foi dans votre prière, vous l'obtiendrez. Voici, c'est là que c'est une répétition de la formule de précipitation, n'est-ce pas? Quoi que ce soit que vous désiriez, quoi que ce soit, c'est général. Quand vous priez ou quand vous concentrez, croyez que vous le recevez et vous le créerez par le fait même d'y avoir cru, vous le ferez croître. C'est la formule de précipitation dans toute sa signification. La question n'est pas de savoir si la formule réussira, elle fonctionne toujours. La question est de savoir si vous croyez en la loi qui se trouve à la base de la formule. Et si oui, si vous possédez le courage d'agir, non pour vous-même, mais pour tous ceux qui ont besoin du témoignage de votre leadership, de votre direction. À la base de la nouvelle économie doivent se trouver des individus capables d'orienter l'argent requis en vue de l'intégration d'une civilisation tournée vers l'ordre mondial. À ce moment seulement peut se produire une transition du vieux au nouveau, sans l'effondrement catastrophique de toutes les valeurs actuelles qui auraient pu être préservées si on avait suivi la préparation suggérée par cette instruction. En assumant que l'argent, en tant que pouvoir d'achat, vienne de plus en plus entre les mains des économistes spirituels qui ont consacré leur vie à la réalisation du plan, le système bancaire en entier peut prendre une allure nouvelle et plus noble. Il pourrait devenir en son temps une extension du Trésor national, et, ultimement, de la Banque mondiale. Sa principale fonction consisterait en la distribution des valeurs financières entre les producteurs et les consommateurs, autant au niveau individuel, corporatif, national ou mondial. Justement pour rétablir l'état que l'on a décrit par la Banque cosmique. Alors, la banque la plus riche au monde, c'est la Banque mondiale, mais dans le sens cosmique. parce que l'argent, pas tout, ce ne sont que des choses, des fictions. Alors la Banque mondiale provient de cet état partagé par tout le monde, de produire de la valeur, convertir la valeur en service et rétribution générale. Est-ce qu'il y a eu déjà, dans les époques antécédentes, d'autres cas de faillite de banques comme il y en a aujourd'hui? Ben, on parlait tout à l'heure de l'Allemagne, n'est-ce pas, à la fin de la guerre 14-18. Oui. Hein? Oui. Il y a eu la même chose à Babylone, en Syrie, en Syro-Chaldée, il y a des choses comme ça. Au temps d'Amourabi, il y a eu une catastrophe comme ça aussi. Alors, la valeur était du troc et de l'échange seulement. Et plus tard, les Babyloniens eux-mêmes ont repris. Au temps de Nabucodonosor, et ça a oscillé à plusieurs reprises, pendant trois fois, ou en la période historique. Qu'il y a eu des déclenchements comme ça. Mais quand on aura atteint ce niveau, on pourrait dire nous avons affaire avec la banque cosmique. Alors, il faut qu'il y ait une crise ou une impasse. Absolument. Ah, vous pourrez être l'unanimité de simple papier monnaie. C'est comme les billets payables, hein? Les billets promissoires. Ça n'a pas plus de valeur que celui qui l'a fait. Voilà. Pour cette opération de comptabilité et de vérification, un frais administratif de service serait établi selon l'étendue du travail accompli. Je me demande si c'est bien ce frais. Ça doit être ça. Ce frais ne serait pas différent de ceux imposés par votre propre banque pour service rendu. Sur l'intérêt exigé sur un sur l'emploi de l'argent qui appartient à la communauté. Parce que l'argent de la banque, c'est l'argent de la communauté. D'accord. Alors, on rétribue à la communauté ce que la communauté a prêté à l'individu. Alors, ce frais ne serait pas différent de ceux imposés par votre propre banque pour services rendus en relation avec votre compte de chèque actuel. Afin que le gouvernement puisse détenir une compilation, un enregistrement exact de votre revenu, toutes les valeurs gagnées à l'aide de services effectués devraient être payées par chèque. Ces derniers seraient non négociables, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient être encaissés que si vous les déposiez à votre compte personnel, à la banque de votre choix. Toute corporation d'affaires suivrait la même procédure, à savoir que tous les biens et services pourraient être échangés exclusivement par des chèques non négociables, fournissant un relevé exact de chaque transaction. Dans une économie de chèques, qui opérerait d'une manière fort identique à celle du système actuel de cartes de crédit, peu de place serait laissée à l'argent en tant qu'unité monétaire en circulation. C'est une autre tentative sur les cartes de crédit, n'est-ce pas? Alors, c'est de manipuler des valeurs fictives en se basant sur la foi que la banque, qui représente la collectivité des individus qui participent, admet vis-à-vis d'autrui. Alors, carte de crédit, ça devient de plus en plus populaire. Oui. Les banquiers parlent des Templiers. Les Templiers vont commencer ce système-là, n'est-ce pas? C'était les premiers banquiers du monde, ou du moins du monde occidental. La transaction d'affaires commerciales serait en grande partie effectuée par transfert de crédit sous la supervision gouvernementale. La carte de crédit serait ce que son nom devrait signifier, c'est-à-dire une vérification de la solvabilité financière du détenteur. Crédit cosmique, oui. Oui. Ainsi que de l'existence des crédits possédés par ce dernier, grâce auxquels il réalisera son achat. Les échelles des prix et des salaires étant en équilibre, l'émission d'argent, si le besoin se présentait, reposerait sur les valeurs créées plutôt que sur des billets à ordre, tels que cela se produit de nos jours. En résumé, il y aurait toujours suffisamment d'argent en circulation, indépendamment du volume de la population ou de l'importance de leur capacité productive. C'est un génial, on aurait l'argent en proportion de l'équivalent en or qu'il y a dans les Fort Knox ou dans les autres banques du monde, la banque mondiale. Alors, la crédibilité est accordé sur une valeur tangible, l'étalon d'or. Hein? Chacun pourrait recevoir la pleine valeur pour ses services rendus, puisqu'ici aucun frais dissimulé, taxe de vente ou profit illégal ne viendrait déformer cette même valeur. Chaque travailleur pourrait acquérir la propriété qu'il désire, car le droit au travail serait garanti par la loi et que l'argent en sa possession constituerait la preuve qu'il a déjà créé la valeur à laquelle il participait. Cependant, pour que cette situation désirable se produise, il y a un autre aspect du système de distribution qui ne peut être omis ou ignoré. Il s'agit du commerce de gros et de détail qui constitue ce que l'on dénomme communément le commerce, l'échange de marchandises entre les producteurs et les consommateurs. Le commerce se définit comme l'échange de la valeur pour l'obtention de la valeur. Si cette définition est prise à la lettre, cela s'exprime dans les faits par un échange équivalent. Au lieu que le distributeur augmente le prix de sa marchandise afin d'en obtenir autant que le commerce le lui permettra, il sera requis, tout comme sa contrepartie le banquier, de charger un frais de service pour sa gestion professionnelle de la propriété en sa possession, propriété qu'il conserve en fiducie jusqu'à ce qu'elle soit réclamée par l'acheteur. C'est intéressant, vraiment. Oui, ben c'est bien précis le cheminement, n'est-ce pas? Oui. Tout comme l'intérêt doit disparaître de la circulation monétaire et de l'émission de crédit, il doit en être de même pour le profit qui doit devenir inexistant dans la distribution de marchandises. C'est l'accumulation des profits, la multiplication. On doit le répéter, les profits ne doivent être reliés qu'à la production seulement, et la consommation ne doit s'établir exclusivement qu'à partir des valeurs gagnées. Tant que ces principes ne seront pas honorés et respectés dans l'ordre économique, les injustices économiques continueront à harceler l'humanité et l'homme demeurera appauvri même au sein de l'abondance. C'est exactement ça, il y en a en abondance des valeurs. Oui. Mais l'homme n'y a pas accès à cause de ces... Justement, les interdits qui sont causés par la transition de la marchandise, les manipulations, la distribution, mal chronique. Autrement dit, le système de profit, lorsqu'appliqué à la production en tant que motivation à produire, s'avère absolument nécessaire et justifié. Mais lorsqu'on applique le système d'intérêt à la fonction de distribution, en tant que méthode de profit, cela devient totalement injustifié et constitue une source prolifique de dérèglements économiques. Tandis que cette leçon n'est pas conçue pour solutionner ou même considérer toute la multitude de problèmes reliés avec le commerce de gros et de détail, il doit être clairement compris qu'à la lumière de la loi spirituelle et des précédents bibliques, la distribution de la valeur constitue une matière sérieuse et sacrée. Et c'est dans cette zone d'activité que le crime est apparu, qu'il est grandement stimulé. Le contrôle de la distribution tombe sous la juridiction, la responsabilité. Économistes spirituels qui ont été initiés à la philosophie des opérations karmiques, tout comme les banques auront à devenir les agences de comptabilité du gouvernement, dans le but de prodiguer les valeurs de tous les citoyens. Il en sera de même pour les magasins qui deviendront les entrepôts des valeurs matérielles, dont la conservation des dernières constitue le devoir et la responsabilité du distributeur professionnel. Le distributeur acquiert la distinction de serviteur public en remplissant son rôle de défenseur de la justice karmique. Il assure la marge de la production en stimulant la consommation et celle de la consommation en garantissant la production. Il n'achète rien et ne vend rien. Il achète tout simplement en tant qu'agent pour le producteur et le consommateur en transférant les valeurs du dernier au premier. L'argent n'étant plus désormais une barrière, le distributeur n'a pas besoin de capital et ne prend aucun risque. Et le gouvernement devient tout simplement une partie dans la comptabilité. Lumineux. Oh oui, c'est précis, je crois. Alors, cet état-là, si désirable, est en train de se réaliser. Et avant la fin du siècle, on le verra en opération à travers toute l'Amérique du Nord, j'en suis sûr. Le nouvel ordre économique, donc, prévoit les opérations d'un système de production, de distribution et de consommation avec une efficacité maximale et un minimum d'injustice. Il récompense l'administration avec un honnête profit basé sur le volume et les ventes. Il gratifie la classe des travailleurs, si nous pouvons la qualifier ainsi, dans le Nouveau Monde. Une valeur entière est accordée pour les services rendus. La destruction organisée de la propriété a été complètement éliminée grâce au mécanisme d'une politique publique. Il rémunère le banquier et le marchand en leur donnant une sécurité et une dignité nouvelles, relevant de la question des valeurs confiées à leurs soins. À tout considérer, le nouveau système rehausse tout le domaine de l'échange économique au-dessus du niveau terrestre des pratiques aveugles malhonnête et souvent corrompu, un degré de culture et de raffinement qui ramène le travail et l'existence au rang d'une expérience divine. De ce point de vue spirituel, le socialisme devient périmé, car il n'est désormais plus nécessaire de partager la richesse. Tous les gens sont autant de producteurs que de consommateurs. Personne n'a besoin de prendre quoi que ce soit de qui que ce soit d'autre. La sécurité consiste à être actif et utile, et non pas de se voir forcé de prendre une retraite obligatoire. Le communisme n'a plus de raison d'être, puisqu'il n'est plus nécessaire que l'économie soit contrôlée par un gouvernement, craignant de se dépouiller du pouvoir en faveur du consommateur. Il est juste que le gouvernement conserve les ressources au nom des individus, mais la production ne peut être stimulée que par l'entreprise privée. Et sans l'initiative privée, l'économie doit nécessairement échouer. La collectivisation s'avère un principe applicable à toute chose créée par la nature ou utilisée en commun par l'homme. Mais tout ce qui est conçu et produit par un individu appartient à ce même individu, et la consommation de cette valeur engendrée par son créateur doit être garantie par le gouvernement, indistinctement que ce dernier soit qualifié de communiste ou autre. De manière identique, le capitalisme devient désuet, démodé, puisque le système de crédit, appelé plus judicieusement système d'endettement, ah oui, c'est ça, oui, n'apparaît plus utile ou nécessaire. Le transfert, le déplacement de la production du manuel vers l'intellectuel et du labeur humain vers l'automatisation rend le système capitaliste tel que nous le connaissons impraticable. Ce système contribue, pour ne parler que des États-Unis, à un endettement annuel. Alors là, il y a tellement de zéros après le 1 que j'arrive pas à lire. Astronomique, astronomique. 100 millions de millions, quelque chose comme ça, en tout cas. Des chiffres astronomiques. Bon. S'ajoutant au montant total impayé, la pauvreté s'accroît avec la prospérité et l'esprit de révolte se maintient au rythme de l'expansion, de la distribution, de l'opulence, de la richesse. Ce sont des conditions qui sont inévitables dans les conditions. La nouvelle économie est qualifiée de théocristique, car ses antécédents remontent à l'époque de l'ancien monde de la Lémurie et de l'Atlantide. Tandis qu'elle peut sembler utopique et difficilement réalisable en ce siècle, elle s'avère pourtant acceptable pour les Lémuriens et Atlantéens réincarnés, et cette économie se retrouvera au cœur même de leurs pensées dans les années futures. Dans l'éventualité où ce système si haut décrit vous séduisez et vous apparaissez conforme à la vérité, vous vous devez, et pour le monde à servir, de trouver la place qui vous appartienne au sein de son fonctionnement. Vous pouvez immédiatement entreprendre une telle démarche, telle que suggérée précédemment, par le biais de votre feuille de comptabilité et de votre inventaire. Vous pouvez concevoir un plan qui permette d'intégrer vos services dans le champ d'activité du grand et noble travail des frères aînés. Là, c'est la pratique de chacun, en train de réaliser sa valeur et la mettre en circulation. Vous pourriez vous joindre à une communauté culturelle et d'enseignement à l'intérieur de laquelle la nouvelle économie puisse être mise en pratique en groupe. Lorsque vous aurez maîtrisé, assimilé certaines des implications relevant de cette section, votre tâche vous apparaîtra clairement sous la direction divine, celle d'apporter votre contribution à l'établissement des principes d'une civilisation théocristique, peu importe où vous viviez. Cette section est nécessairement suggestive. De toute évidence, beaucoup plus pourrait être dit. Étudiez-la soigneusement, et si une portion de cette section vous plaisait tout particulièrement, faites-nous parvenir votre commentaire. Vous ne commencez qu'à percevoir la grandeur de cet enseignement et vous apprécierez encore mieux ce qui viendra si vous étudiez consciencieusement la matière ici traitée. Soyez patient si tout n'est pas assimilé du premier coup. Votre compréhension augmentera par degrés. Soyez sincère et de bonne foi vous pouvez être certain que votre enseignement deviendra une balise, un phare rayonnant pour tous ceux qui doivent vous suivre. Quelques individus, trois pour être précis, m'ont décrit, dernièrement demandant plus de précision au sujet de la manière de participer à ce renouveau. Alors, cette procédure varie avec chaque individu, c'est selon l'inventaire que j'en fais de leur richesse, de leur état, hein, de leur condition. Alors, proportionnellement à ce dont ils peuvent disposer, ils peuvent se rendre utiles. Alors, c'est le problème individuel de chacun. Après avoir fait cet inventaire de nos possessions, c'est-à-dire le net échange sur moi, comment puis-je l'utiliser pour irradier mon service à la vente? On aborde maintenant la section numéro 7 qui a pour titre Processus de correspondance. Nous avons débuté ce traité sur le système économique de l'homme futur en définissant tout d'abord l'univers à 7 dimensions en termes de clavier cosmique, puis en ramenant ensuite ces mêmes dimensions à une trinité de concepts exprimant la pensée qui se manifeste, elle, en 3 états de conscience. Substance, intelligence, énergie. À partir de cette trinité, nous pouvons démontrer la correspondance, la relation existant respectivement entre les unités de richesse et les unités de service. Nous avons par la suite indiqué la correspondance existant entre les prix et les salaires, entre les droits d'auteur et les brevets, entre les normes standards, les étalons et les mesures, et entre le capital et le travail en tant qu'institution. Ces corrélations auraient pu être poursuivies indéfiniment s'il s'avérait nécessaire de décrire d'une manière plus exhaustive la double nature, nature dualiste, des pôles économiques de la civilisation. S'il y a une droite, il doit exister une gauche. La nuit implique l'existence du jour. Le positif doit posséder son contraire, le négatif. La dualité se retrouve dans toute création, et la sexualité constitue la loi de la vie. Voilà pourquoi toute manifestation, toute conception de la vie, qu'elle soit philosophique ou autre, doit comporter la présence de deux pôles de nature opposée ou inverse, afin de se réaliser. C'est pour ça qu'on a une gauche et une droite en politique. J'ai toujours trouvé la droite un peu gauche et puis la gauche un peu maladroite. Oui, je l'accepte. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui donnait une bonne définition de la politique aujourd'hui. C'était l'art. Comment est-ce qu'il disait ça? L'art d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde. Ah, oui. Hein? Oui, ça fait bien. Aujourd'hui, oui, c'est oui, ça. Oui. Oui. Puis, alors, sur la nature de cette dualité là que l'on retrouve dans le monde, est-ce que vous avez quelques commentaires à faire là-dessus? Voici, dualité, c'est que le monde, la vie organique est androgyne, parce que c'est détentrice des deux sexes, n'est-ce pas? Des deux aspects. Mais deux hémisphères ne font pas une sphère. Hein? Et il faut qu'il y ait unicité établie entre ces deux parties apparemment opposées, mais qui sont complémentaires dans tous les domaines de la vie organique. Sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, social et individuel. Alors, quand on a réalisé cette nécessité de complémentarité à tous les aspects de notre vie, on ne peut pas faire autrement que de se compléter et de compléter combler tous les aspects de notre vie, social aussi bien qu'individuel. Alors, deux hémisphères ne font pas une sphère. Ne font pas une sphère. Ça, c'est beau, ça. Prenez un cercle, flattez-le, et devient très vite un cercle vicieux. Ah oui, oui, oui. Alors il est dit ici, cette conception théochristique constitue une philosophie de vie réalisable, puisqu'elle alloue une importance équivalente au matériel ainsi qu'au spirituel. Elle insiste autant sur le perfectionnement de l'environnement qu'à celui du caractère. L'idéalisme doit équilibrer, servir de contrepoids au sens pratique. Au modèle parfait doit coïncider et correspondre la dimension parfaite. Le clavier cosmique nous enseigne que cette équation constitue l'unique base mathématique utilisée par la nature et que l'équilibre s'avère l'unique règle connue de Dieu. Lorsqu'il est compris que la précipitation s'avère le moyen par lequel les unités de richesse sont produites, par l'accomplissement de services et que la compensation constitue le procédé à partir duquel les unités de service sont créées grâce à la génération, à la production de la richesse, les positions respectives de ces processus économiques sur le clavier cosmique deviennent immédiatement identifiables. Afin de permettre une meilleure visualisation de la relation qui existe entre les trois aspects de la loi trinitaire considérée, veuillez concevoir le clavier comme étant divisé en trois sections. La section de gauche concerne la précipitation. Celle du milieu s'adresse à la correspondance. Et finalement, celle de droite se rapporte à la compensation. Bien que nous soyons aptes à désigner ces trois principes comme étant intrinsèquement des lois cosmiques, ils n'ont pourtant aucune existence autonome si on les prive des interrelations qu'ils possèdent entre eux. La précipitation implique le phénomène de la compensation, tout comme la matière suppose l'esprit. La correspondance ne représente simplement que le moyen servant à les équilibrer, à les mettre en équation. Ceci explique pourquoi la loi de correspondance ne peut être définie qu'en termes des polarités qu'elle accouple, qu'elle réunit. Alors, c'est la sexualité cosmique en danger. Cette correspondance qui est inévitable, autrement il n'y a pas de liaison possible. Puisque la précipitation se rapporte à la fonction de production et que la compensation s'applique à celle de la consommation, dans l'économie du nouvel âge maintenant imminent, la loi de correspondance s'assure la fonction de distribution. Autrement dit, le contrôle de la distribution des actions, des résultats provenant d'une connaissance des lois de précipitation et de compensation, est ce qui constitue la valeur essentielle de la loi de correspondance aux yeux de l'économiste spirituel. Bien qu'il soit pleinement véridique d'avoir affirmé que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes, il est également exact que Dieu aide ceux qui n'ont pas encore appris à se prendre en main. S'il n'en était que de l'aide accordée dans la distribution des effets, des conséquences résultant de l'action karmique, de nombreux individus cesseraient de progresser, étant peu disposés à récolter ce qu'ils ont semé. Les symboliques seigneurs du karma sont ces mathématiciens de la nature qui égalisent la semaille à la moisson et qui appliquent la règle de l'équilibre indépendamment de toute opinion ou penchant personnel. Ça, oui, c'est une belle image. Oui. Alors, cette économie générale procède d'en haut, distribution totale. Seigneurs du karma sont les mathématiciens de la nature qui égalisent la semaille à la moisson et qui applique la règle de l'équilibre indépendamment de toute opinion ou penchant personnel. C'est de la mathématique supérieure, l'arithmosophie cosmique. L'objectif de cette instruction étant d'aider l'étudiant à apprécier, à évaluer sa propre potentialité inhérente en vue de maîtriser sa vie et son environnement, il s'avère essentiel que chacun reconnaisse et prenne conscience de son droit de contrôler cette partie du cosmos placée sous sa juridiction. Si ce droit n'est pas exercé, c'est soit que les principes de base ne sont pas très bien compris, ou si compris que ces principes ne peuvent être mis en œuvre par insuffisance du pouvoir spirituel nécessaire. Dans la leçon précédente, nous avons quelque peu discuté de la méthode à utiliser pour assurer le pouvoir spirituel requis pour un tel contrôle. Gardant à l'esprit les correspondances fondamentales entre la production, distribution et consommation, nous arrivons aux étapes générales suivantes de l'explication de la loi de correspondance. A. Traduire, transposer les aspects matériels et spirituels de votre évolution en termes respectifs de sens pratique et d'idéalisme, afin de parvenir à la perfection de l'équilibre karmique interne. B. Faire correspondre votre sens pratique et votre idéalisme à la mesure parfaite et au modèle idéal, respectivement, de façon à obtenir le talent universel de l'initié. C. Distribuer, faire profiter de vos talents et aptitudes et coordonner vos ressources dans le but avoué d'améliorer le bien-être de l'humanité. Vous aurez ainsi découvert la conception immaculée de l'homme parfait, le Christ de Dieu sous forme humaine. Je vous laisse faire un petit commentaire pour déchiffrer la suite. Voici, dès que vous avez atteint cet état d'esprit à faveur duquel vous êtes pleinement conscient de vos possibilités et de vos actifs, vous êtes en mesure d'en disposer selon votre bon jugement. Et c'est pour ça qu'au tout début, nous conseillons de faire un bilan, un inventaire de ce que vous êtes, de ce que vous détenez, afin que vous connaissiez votre véritable valeur. Et en étant ainsi en pleine possession de vos actifs, vous pouvez mieux en disposer. Et en disposer non seulement avec efficacité, mais avec justice également. Justice envers vous-même et envers votre prochain. Et si cet état devient cumulatif, augmente quotidiennement, vous améliorez votre potentiel de distribution de richesse. Et la richesse s'accumule à mesure que vous progressez, parce que vous la faites circuler. Alors, ces trois étapes cernent, définissent la loi de correspondance, selon l'unique moyen par lequel, en fait, les concepts spirituels puissent manifestement posséder une validité matérielle, donc pratique. Habituellement, on mentionne à l'étudiant que la correspondance n'est simplement qu'une question d'équation générale, comme par exemple ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ou que l'intérieur se reflète dans l'extérieur. Aucune tentative n'est amorcée afin d'expliquer la loi, la règle selon laquelle les valeurs spirituelles puissent effectivement trouver leur contrepartie au sein des valeurs économiques. Par conséquent, on requiert de l'étudiant qu'il conçoive un monde où concepts spirituels et matériels soient indivisibles. Il ne saurait exister de pensée spirituelle dans un vide matériel. Non, ça c'est précis. Pas d'esprit sans matière, pas de matière précisément. Sans esprit. Et plus il y aura d'esprit dans la matière, plus la matière sera prolifique et abondante, surabondante. La matérialité, qui est l'état de ce qui est matériel, non pas le matérialisme, doctrine d'après laquelle il n'existe d'autre existence que la matière. Donc la matérialité constitue le reflet de ce que manifeste la spiritualité. Voilà la haute prérogative attribuée à toute personne recherchant l'initiation spirituelle, celle de dédier, consacrer ses ressources matérielles aux fins pour lesquelles sa propre initiation l'a préparée. L'usage que vous faites de votre environnement, alors, se reflète au niveau de votre sens pratique. Et ce que vous faites de votre caractère transparaît sur votre idéalisme. Ou pour reformuler vos affaires externes, extérieures, dépendent de votre désir de satisfaire vos besoins matériels. Vos affaires intérieures sont tributaires de l'élan idéaliste à réaliser, à combler vos besoins spirituels. Si la loi de correspondance doit nous enseigner quoi que ce soit, elle devrait nous instruire à agir en tenant compte de la relation indivisible existant en perpétuité entre nos affaires intérieures et extérieures. Le caractère peut influer sur l'environnement, et l'inverse est tout aussi pertinent. Pour que le caractère, cependant, puisse influencer l'environnement, l'idéalisme doit être appliqué au milieu extérieur à l'environnement, pour que ce dernier puisse agir sur le caractère des actions concrètes doivent être entreprises en vue de cultiver la vertu. Étant donné que la loi de correspondance constitue un principe cosmique, il importe peu de votre choix quant au pôle ou à l'aspect de la réalité universelle à partir duquel vous choisissez d'opérer. Vous pouvez débuter de l'extérieur, puis aller vers l'intérieur, c'est-à-dire de vous déplacer de la conquête de l'environnement pour aboutir à la conquête de vous-même, ou décider de travailler d'abord de l'intérieur pour ensuite atteindre l'extérieur, c'est-à-dire partir de l'idée d'un monde idéaliste pour tenter de le réaliser concrètement. Indépendamment de la polarité, dont l'accent a pu être mis sur l'une dans le passé, l'étape suivante vers l'initiation, ainsi que l'implantation du corps parfait au sein de l'environnement parfait, est constituée de l'union de deux polarités en une parfaite combinaison. Il n'existe pas d'autre moyen pour vous de devenir un citoyen divin dans l'ordre parfait. Donc c'est la réunion de l'union des polarités. Absolument, la conciliation des contraires. Jusqu'au temps de l'ère chrétienne, l'homme se concentrait sur l'environnement. Ses gouvernements étaient extérieurs, désignés essentiellement pour réglementer ses actions, conditionner sa pensée et modeler sa vision morale. Les 10 commandements, tels qu'énoncés dans les Saintes Écritures, constituent l'exemple classique de la manière par laquelle l'imposition d'un code moral provenant de l'extérieur était voulue en vue de contrôler la vie des gens qui n'étaient pas encore parvenus à faire éclore un code moral jaillissant de l'intérieur. On était alors témoin d'une époque conditionnée par l'existence objective où par décret régnait la loi et l'ordre. Autrement dit, c'est un palliatif à leur impossibilité. Alors qu'il était imposé, c'est une imposition. Alors ce qui a succédé, c'était l'aspect positif. Hein. Parce que c'est une enfance. Les interdictions, oui. Oui, c'est une humanité dans l'enfance. Oui, justement. Petite enfance. Comme il disait, le coup raide. Oui, au coup raide en plus. Oui. Après l'époque de Jésus-Christ, l'attention de l'homme s'est focalisée vers lui-même. Ses gouvernements ont lentement amorcé le mouvement vers l'internationalisation, ce qui constitue une autoréglementation. On enseigna à la race humaine qu'ultimement, la civilisation parfaite, le royaume de Dieu, se trouvait à l'intérieur de l'âme même du citoyen. Le terme « démocratie » décrit la participation des gens au sein de leur propre gouvernement, entre parenthèses intérieures, et représente l'interprétation exotérique de la quête de la recherche de l'homme, de son autodiscipline et autocontrôle. Derrière ce vernis, cette apparence extérieure de l'auto-expression démocratique, entre parenthèses affirmation de soi, se situe cependant la quête réelle et authentique de l'homme d'un état de conscience qui le libère de la soumission, de l'asservissement à toute autorité extérieure. Voici arrivée l'ère de l'existence subjective avec emphase sur l'amour et le bien par consentement, par assentiment. C'est l'autodidactisme absolu basé sur la rectitude. La grande œuvre accomplie par Jésus le Christ se résume dans le renversement, le revirement de la direction existante allant vers l'extériorisation extrême de la civilisation humaine sur cette planète. Son rejet de la souveraineté temporelle d'Israël épousait le but de diriger l'attention de l'homme vers sa responsabilité croissante envers une autorité intérieure. Un gouvernement intérieur dont le suprême principe est la loi divine et dont la civilisation fondamentale s'exprime en l'ordre divin. Le phénomène des nations totalitaires dans notre monde moderne ne devrait surprendre personne puisque l'idéal de l'ordre par le biais de l'enrégimentation, c'est ça? Oui, c'est très bien, oui. Parce qu'il arrive dans tous les domaines. Par le biais de l'enrégimentation, l'harmonie par le conflit, a constitué le facteur dominant et directeur depuis l'aube de l'histoire humaine. Même les soi-disant sociétés démocratiques ont été engendrées par la force et sont largement maintenues par la force, la contrainte s'avérant l'unique méthode efficace de forcer, d'obtenir l'obéissance de ceux qui ne reconnaissent de plus haute autorité. Mais aujourd'hui, après 2000 ans d'influence chrétienne, l'utilisation arbitraire de la force, de la violence de la part des gouvernements, rencontre la révolte des masses, s'y trouve confrontée. L'évolution de l'humanité exige maintenant la liberté d'une civilisation au sein de laquelle l'autonomie, l'autoresponsabilité puissent être exercées, et ce, sans l'interférence de l'État. Cette responsabilité individuelle n'est nulle autre que la responsabilité que chaque citoyen, personnellement, doit assumer afin de liquider ses propres obligations karmiques moralement endossées, consenties. Afin qu'un tel citoyen soit moralement responsable et personnellement garant de ses actions, il doit se constituer comme autorité unique face à ses décisions. L'État usurpe une prérogative divine lorsqu'il tente de contraindre l'adhésion à un décret arbitraire qui viole la conscience de l'individu. Donc, on est personnellement garant de nos actions. Justement, c'est l'autarcie, l'autarcie pure. Autorité. Ouais. Ça part de l'ego, de la conscience. Alors, ça s'enchaîne avec le tout début de ce préambule, que l'inventaire du soi immédiat ou du soi environnant, c'est ce qui est de plus important pour être conscient de notre valeur véritable et de l'emploi qu'on pourra en faire. Est-ce que ça fait une heure qu'on a repris, là? Ça fait une heure, je pense. Ouais. Semble. On a recommencé vers 2h30, 3h30, donc on va faire une petite pause maintenant. Voilà qui nous confirme. Merci beaucoup, Alexandre. C'est moi qui remercie mon bon. Je remercie. Oui, oui, oui. Alors, on va donc aborder maintenant la fin de la loi de correspondance, là, et on essaiera, si le temps nous le permet, je le pense bien, d'entrer donc dans cette seconde initiation théochristique. Alors, l'État usurpe une prérogative divine lorsqu'il tente de contraindre l'adhésion à un décret arbitraire qui viole la conscience de l'individu. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne la participation à la guerre. La conscience humaine devient sensibilisée à l'aspect global de la violence et les gouvernements, tous les gouvernements, considèrent qu'il est de plus en plus difficile de faire fi de la conscience d'un nombre toujours plus élevé de personnes, d'outrepasser leurs droits. En temps opportun, les gouvernements se verront forcés de trancher, de négocier leurs différends lorsque la destruction de la vie et de la propriété s'avéreront des solutions inacceptables pour l'homme civilisé et rationnel. On prend le patriotisme maintenant comme étant une justification. Hein? Oui. C'est un égoïsme national, mais c'est un égoïsme quand même. Oui. Ouais. La démocratie dans le domaine économique signifie l'autogestion, l'autonomie dans les affaires karmiques. De toute évidence, ce point de l'évolution humaine n'est pas encore atteint au niveau des masses. La lutte idéologique dans ce XXe siècle constitue notre meilleure garantie que les questions fondamentales, enfin, gagnent l'attention publique, que diverses autorisations requises nous conduiront demain vers la liberté et que l'ordre, le régime terrestre, atteindra un jour le niveau de l'intégration divine. Les idéaux doivent se fusionner et les erreurs doivent être abandonnées autant par l'État, par l'Est que par l'Ouest, pour que la fraternité humaine devienne réalité. Nourrie par un réel respect envers la dignité et la sainteté de la personne. La fraternité humaine demeure encore une réalité lointaine à l'échelon mondial. La camaraderie et le dévouement impersonnel de l'individu à une cause commune, collective, constituent déjà deux caractéristiques inhérentes au système soviétique. L'ennoblissement de l'être en tant que manifestation de Dieu, bien qu'imparfaite, est loin d'être politique admise. Et déjà au cœur même de l'expérience américaine, on reconnaît l'homme en tant qu'entité divine, digne de la plus grande compassion et du plus grand respect. Voilà une des plus grandes vérités de cette époque, celle de reconnaître qu'une correspondance définie et spécifique puisse être établie entre les systèmes américains et soviétiques de civilisation. Une paix mondiale ne peut s'établir tant que les valeurs spirituelles propres aux deux cultures ne soient pleinement reconnues et fusionnées. Dans une leçon ultérieure, nous élaborerons sur cette correspondance et montrerons comment le monde du futur émergera de la fécondation respective de l'inspiration spirituelle sous-jacente aux origines de ces deux États continentaux. Maintenant, le communisme, si on faut l'appeler par son nom, c'est à l'idéal du tout premier chrétien, n'est-ce pas? Mais c'est un communisme idéalisé, non simplement politisé. Alors, ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de faire une fusion des deux États, communisme et socialisme, afin que ce soit les deux aspects d'une même aspiration, vers l'ennoblissement de l'homme, quelle que soit son adhérence gouvernementale ou quelle que soit ses prédispositions philosophiques. Alors, quand l'homme aura réalisé qu'il n'y a pas de démarcation entre les deux, il n'y a pas de distinction établie entre communistes, vit en commun, vit pour l'autre, et vit indépendamment de l'autre, alors on aura atteint un état idéal. Il est dit dans Jean, « Mes bien-aimés, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Cette ressemblance, ce Christ en vous, l'espoir de gloire, constitue la mesure idéale et le modèle parfait à laquelle correspond votre maîtrise. Le plus élevé et le plus rare de tous les talents se résume dans l'habilité, la capacité d'imiter l'exemple. Il constitue en fait le talent universel à propos duquel on a déjà fait mention. Lorsque vous aurez cultivé ce talent au degré requis, vous aurez conscience, connaîtrez votre capacité en tant qu'instrument choisi du Seigneur, vous pourrez apprécier le poids de votre influence sur les âmes humaines. Vous pourrez évaluer la distance encore à parcourir par la race humaine avant que son évolution ne soit achevée. Et vous pourriez établir le modèle de l'homme parfait. Oui, vous aussi deviendrez un jour un maître de votre propre chef. Vous passerez aussi de la faiblesse à la force, de la mortalité à la vie éternelle, de chrétien à une âme christifiée. Votre destinée consiste à accomplir les virtualités, les potentialités qui vous sont acquises, puisque vous êtes un être divin dans une forme humaine. Ça, c'est une belle vérité. L'homme est une réplique de Dieu. Isaïe le déclara dès le début de ses prédictions, ses prophéties. Il dit, si vous êtes de Dieu, réalisez-le donc, devenez-le. Et le Christ lui-même il disait, comment osez-vous me lapider, me molester, moi qui m'appelle tout simplement fils de Dieu, alors que vos prophètes vous disent, vous êtes de Dieu, réalisez-le. Alors l'état idéal atteint, c'est ceci, déifiez-vous, et tous les rites, tous les sacrements, ancien aussi bien que moderne, vise à déifier l'homme. Prenons la partie secrète de la messe, la mendication de l'Eucharistie. Ça pour but, n'est-ce pas, de vous faire réaliser que vous devenez ce que vous mangez. La transubstantiation, qui est comme la transmutation en alchimie, vise à vous faire réaliser que ce que vous mangez là vous déifiera, vous divinisera, établira ou éveillera la nature divine en vous. Alors, c'est par participation mystique, mais quand vous communiez avec un état d'esprit qui est l'idéal à atteindre, vous dites, maintenant, je me déifie en participant à la déité, hein? Et en méditant sur cet état d'esprit-là, je dis, j'ai Dieu en moi, quoi qu'on l'a totalement. Le premier exemple d'Eucharistie que l'on a dans l'histoire, c'est quand Moïse, descendant de la montagne, voit les Israélites en train d'adorer un veau d'or et de danser et de fêter. Alors, il décide de le broyer, de le pulvériser et de le jeter sur une masse d'eau. Et il fait boire cette masse d'eau qui contient le veau d'or pulvérisé aux 70 vieux d'Israël, afin qu'ils réalisent que ce qu'ils adoraient en dehors d'eux-mêmes était maintenant en dedans d'eux-mêmes. Alors, ce premier Eucharistie qui se fait a été inspiré par Melchisédek. Alors, Moïse, en réalité, c'est la première représentation de l'Eucharistie. Mangez quelque chose qui vous déifie, une substance divine, une substance solaire, de l'or, quoi. Alors, l'or, c'est le métal solaire, mais seulement l'essence de l'or, c'est la déité. Hein? Alors, l'Eucharistie, qui contient le mot charisme, le mot amour, vise à vous amoriser en participant à une partie déifiante, divinisante. C'est ça le but de tout grand sacrement, de tous les sacrements qu'on peut exister, qu'on pourrait précéder l'Eucharistie. Saint Thomas d'Aquin en parle dans ses hymnes de l'Eucharistie. Adore tes dévotés, la fin des éditeurs, je t'adore avec dévotion aux déités latentes. Alors, c'est en donnant la communion à ces néophytes qui lui ont dit ça. Adorez maintenant la déité dont vous devenez les détenteurs. Tenez l'Eucharistie comme ça. Alors, ça, c'est le but de se déifier, devenir conscient de notre nature divine dont on est inconscient. Et ne réalise que mentalement. Et quand on devient amorisé au point de dire « je sens quelque chose en moi que je n'ai jamais éprouvé auparavant, excepté sporadiquement », là on dit « l'amour s'empare de moi dans tout mon être ». Donc vous passerez ainsi de la faiblesse à la force, de la mortalité à la vie éternelle, de chrétien à une âme christifiée. Car telles sont les trois étapes par lesquelles tout être humain doit en son temps atteindre la perfection du Christ, du Maître christifié. La première est de prendre conscience que l'expérience est constituée de deux pôles, le sens pratique et l'idéalisme, et que l'action est à la base de tout karma. La deuxième étape, voulez-vous faire un commentaire? Voici, c'est que l'Eucharistie est un sacrement. Et un sacrement est un signe sensoriel, un signe sensible, dont le but est de nous conférer la grâce. La grâce, c'est l'état de sainteté, l'état d'harmonie avec nous-mêmes. Alors, si on a recours à un médium physique, c'est pour atteindre un état spirituel. Tout est symbole, quoi que ce soit. Ce n'est pas le symbole qui compte. Ce n'est pas la chose, la chair qui profite, c'est l'esprit qui vivifie. Par exemple, quand le maître dit, à moins que vous mangiez la chair du Fils de l'homme et ne buviez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et les apôtres, les pharisiens disent, c'est dur à avaler. Ça. Mais, enfin, ce n'est pas la chair qui vivifie, ça ne profite en rien, mais c'est l'esprit qui vivifie la chair. Moi, ma nourriture, mon breuvage, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Et c'est de ça que je m'alimente, c'est ça ma nourriture. Bon. Alors, il voulait le transférer sur un plan spirituel, une mendication matérielle. Alors, tout dans l'enseignement ésotérique est basé sur des symboles, et chaque symbole comporte un enseignement spirituel très prenant. Je me promène le long du chemin, je vois une main quelque part, un index. Alors, je me penche à terre, je cherche une main, ça n'a pas de sens. Hein? C'est que ça indique quelque chose. Alors, la main est le symbole d'une direction. Alors, tout symbole indique quelque chose qui dépasse la portée du symbole même. Le Saint-Sacrement est un symbole, le symbole du soleil. Et la pastille au centre, c'est le symbole du Christ, du personnage christique. Ce n'est pas un objet d'or ou un objet de culte que l'on adore, c'est ce qu'il représente. Alors, c'est le sacrement qui nous sanctifie. Alors, il nous fait réaliser notre nature solaire par le biais l'essence christique qui est en nous. Et quand on participe à la mendication eucharistique, qui est le point central du Saint-Sacrement, là, on a participé à l'énergie solaire, à la conscience solaire. Alors, tout ça, ça se tient. Mais il faut sauter d'illusion ou de symbole en symbole pour arriver à dire ben, l'essence solaire, l'essence christique est maintenant partie de ma constitution. Et la mendication, ce n'est pas rien quelque chose de matériel, c'est spirituel aussi. Un repas, quelle que soit sa nature, a pour effet de nous vivifier, pas rien que de satisfaire notre appétence de nutrition, de nous vivifier. Et la mendication eucharistique, avec la signification qu'elle contient, a pour effet de nous rendre conscients de notre divinité latente. Comme saint Thomas d'Aquin l'appelle, je t'adore, ô divinité latente. Et dans son hymne au Saint-Sacrement, le Tantum Ergo, il mentionne « Approchons-nous avec révérence de ce grand mystère antique, car ce rite ancien, ce document ancien est maintenant remplacé par un rite nouveau. Et le rite nouveau, c'est la messe. Alors, l'alchimie des anciens, le grand œuvre des anciens, et l'œuvre de la rédemption des anciens alchimistes, alors c'est précisément ceci, la réalisation de la divinité qui réside en tout homme. » Parce que l'alchimie ne consiste pas à transmuer du plomb en or, transmuer une matière inorganique en matière organique, un être purement humain en un être divin, par tous les symboles appropriés. Alors la symbolique, c'est un mode d'enseignement, comme la fabulique, les formes de la fontaine par exemple, qui ont l'air bien puériles, mais seulement il y a toujours une morale à la fin de chaque forme. Alors c'est la morale qui compte. Toujours donné à la fin. Alors, par le biais d'une illustration bien puérile, des animaux qui parlent, etc., ils enseignent des vérités morales. Et l'enseignement ésotérique est basé sur ça aussi, des enseignements spirituels basés sur des illustrations matérielles et des participations matérielles aussi, car les sacrements sont des participations mystiques. de réalité spirituelle. Alors tout ça, l'alchimie, l'ésotérisme, la spiritualité se résume à transmuer en termes de réalité supérieure des valeurs matérielles avec lesquelles nous sommes tous familiers. La vie tout entière est cousue de symboles, est imprégnée de symboles. Alors tous ces symboles-là ont une réalité dans notre organisme, dans notre conscience. La deuxième étape est de reconnaître que votre sens pratique sert de mesure pour l'amélioration de votre environnement extérieur, tandis que votre idéalisme pose les jalons de votre perfectionnement intérieur. La troisième et dernière étape consiste à se rendre compte. Est-ce que vous voulez faire un commentaire sur celle-ci? Oui, sur la troisième partie, là, vous se rendre compte de, ce, oui. de cette relation qu'il y a. La troisième et dernière étape consiste à se rendre compte que le résultat final de toute action humaine doit constituer la démonstration de votre union avec votre source. Bon, justement. Alors, notre source, il n'y a pas de ligne de démarcation entre la source et son embouchure ou son issue. Alors, l'homme fait partie intégrante de l'homme universel et pour y participer en totalité, il n'a que s'y brancher par tous les moyens à sa disposition. La conscience de son unité avec le grand tout, avec tous les exemples que l'on peut puiser dans la vie quotidienne pour dire que ça me rapproche de plus en plus de mon idéal ou de ma source. Dès que je m'approche de mon prochain, fatalement, inévitablement, je m'approche de ma source. Parce que Dieu n'aura pas d'existence sans notre voisin, sans notre prochain. Cette leçon vous a appris alors qu'une nouvelle race est définitivement en préparation et que cette nouvelle humanité est inséparablement identifiée et liée à la pratique chrétienne christique. Vous avez été instruit qu'une nouvelle civilisation se fait jour et que cet ordre divin provient de sources cosmiques, ayant été découvert et perpétué par des êtres avancés de cette planète, ainsi que d'autres du système solaire. Vous savez maintenant également que ce n'est que par le biais de l'initiation de l'âme que vous pouvez acquérir la citoyenneté dans un réseau interplanétaire de coopération spirituelle. Les disciplines jusqu'ici mises en relief dans ces trois leçons sur l'économie théochristique sont fondamentales, essentielles à votre entrée dans le nouveau monde postulé dans cette conception. Naturellement, il n'existe aucune obligation à les mettre en pratique, mais les avantages retirés à appliquer ces disciplines dépasse sûrement et largement les efforts investis. Par conséquent, l'établissement d'une communauté de citoyens dédiés à la mise en application de la loi cosmique dans tous les départements et les secteurs de la vie pourrait s'avérer le début d'un nouvel espoir pour l'humanité. Et de cette espérance initiale pourrait finalement naître l'instauration de la paix et de la bonne volonté parmi tous les hommes. Il s'agit tout simplement d'établir sur la Terre, notre Terre-mère, le même ordre, le même état de choses qui existe dans tous les plans, toutes les planètes du système solaire. Nous faisons partie d'une famille dont de très haut, le Soleil, est la source même. Alors, tant que l'être humain, pour parler des autres plans de conscience, n'aura pas réalisé son affinité avec sa source, avec le soleil, il n'aura pas atteint la conscience solaire, la conscience christique, il se sentira toujours séparé. Alors, cet enseignement vise à faire réaliser à l'homme son unité avec tout le système solaire, toute la grande famille solaire. Et le modèle que l'on a à notre disposition, c'est la conscience christique, telle qu'exemplifiée par le Nazaréen, et telle que on s'efforce de devenir en puisant dans notre symbolique, tout ce qui peut nous rapprocher de la conscience christique. Maintenant, l'homme n'est pas originaire de la Terre, il vient d'ailleurs et il se souvient encore de cette conscience supérieure qu'il détenait auparavant. Alors, il y a une espèce de réminiscence, une espèce de nostalgie de ce qu'il fut et ce qui lui donne l'espoir de devenir ce dont il a perdu la souvenance il y a quelques millénaires. Alors, l'homme redevient ce qu'il devait être dès le début. Il retourne à la maison du Père, pour ainsi dire. Et c'est l'histoire de l'enfant prodigue, précisément. Le retour de l'enfant prodigue à la maison du Père, après s'être égaré dans les ténèbres de matérialité. C'est la somme totale de tout l'enseignement christique. Le retour de l'enfant prodigue à la demeure du Père. L'étude de cette leçon qui termine notre approche initiale relativement à la science traitant de l'économie karmique vous aura donné un aperçu du fonctionnement de l'activité d'une culture avancée reposant sur le principe le plus élevé de justice concevable pour l'humanité. Une justice qui honore la sainteté et la valeur de l'effort humain. Peu importe le degré d'excellence atteint par l'homme dans les arts, les lettres et les sciences, peu importe que l'aisance et l'abondance caractérisent sa société et que sa technologie soit qualifiée de spectaculaire, l'homme a misérablement échoué à atteindre même les plus bas niveaux de perception spirituelle si son action globale ne repose pas sur l'échange et la distribution équitable de la valeur parmi les citoyens qui la produisent. Alors, le devoir inévitable de l'homme, c'est de s'unifier avec tout le reste de ses congénères, afin qu'il ne vive plus isolé les uns des autres. Et quand il aura simplement réalisé la nécessité de cette unicité, là, il pourra combler son destin. Et le progrès sera tellement grand que ce sera une nouvelle terre, une nouvelle civilisation. Il y a l'approche graduellement. À la fin du siècle, il arrivera quelques événements. Je ne suis pas apôtre de prophète de malheur, mais c'est un fait qui va se présenter des cataclysmes qui vont faire changer non seulement la face de la Terre, surtout la ceinture équatoriale, mais faire descendre les terres du nord, faire monter celles du sud jusqu'à la ceinture équatoriale. Et là, on commencera à être conscient d'une influence supérieure, c'est-à-dire l'influence de laquelle le soleil prend sa source d'énergie. Alors, quand, à la fin du siècle, ce redressement de l'orbite de la Terre pour qu'elle devienne telle qu'elle était auparavant se produira, l'homme pourra penser avec plus d'ardeur, plus de vigueur et plus d'énergie et plus de clarté, plus de lumière, principalement, parce que le soleil sera véritablement en ligne directe avec la Terre, ou inversement, c'est pas préférable de dire. La Terre sera en ligne directe avec le soleil, alors que présentement, elle oscille de droite à gauche sur une orbite de peu près 21 degrés. Alors, quand la Terre sera redressée, que les terres du nord descendront vers l'équateur, celles du sud remonteront, là, il y aura une saison estivale perpétuelle. Il n'y aura plus d'alternance de froid, de mort et de vie. Alors ça, ce sera le commencement de cette nouvelle civilisation christique qui sera établie à la surface de la Terre. La civilisation christique, ce sera la permanence de l'énergie solaire en direction de la Terre. L'énergie solaire en termes d'inspiration spirituelle aussi bien que de vie matérielle aussi, sur tous les plans. Alors, l'avènement du Christ ou la nouvelle venue du Christ, ce n'est pas un mythe, mais c'est un fait cosmique, un fait géodésique, qui va se produire. Quand le Très-Haut sera en ligne directe avec le Fils, son Fils, le Soleil, et la Terre sera directement ajustée à plus d'énergie qu'elle n'a subi depuis 25 000 ans. Et ce phénomène-là arrivera vers la fin du siècle. Tout le monde en parle, à tort ou à raison, mais la réalité, on l'a puise dans les grands prophètes et surtout les grands visionnaires des temps passés, que vers la fin du siècle, ce sera leur dressement de la Terre, leur dressement de la Terre. On va une seule saison. On l'appelle l'âge d'or. Elle a existé il y a 25 000 ans. Et elle a existé il y a 50 000 ans. Je vous donne des chiffres à peu près. Elle a existé il y a 75 000 ans. Parce que une année solaire, c'est 25 960 ans. Alors, à chaque fois que le soleil a fait un cycle autour de son centre d'énergie, qui est sur Terre, le Sauveur, dans la constellation du Grand Chien, il y aura une nouvelle civilisation, un renouveau de vie à la surface de toute la planète. Et pour ce qui nous concerne, la Terre recevra une nouvelle vague de vie. Ce sera le printemps solaire. Ah. Alors, ça, c'est prédit depuis des temps immémoriaux, depuis tout début, pas rien dans nos Bibles, notre Bible personnelle, dans les Upanishads, dans les Rig Veda, dans Saint Avesta, tous les grands écrits sapientaux de toutes les races, prédisent ça, prévoient ça, ils nous donnent des précisions assez exactes au sujet de la période à laquelle ça doit arriver. alors ce sera la fin du siècle. Ce sera désastreux pour certains, à certains endroits, comme tous les petits cataclysmes qui nous arrivent sont désastreux, mais ce sera bienfaisant en général. Alors, plus de conscience solaire, plus de conscience christique et plus de vie à la surface de la Terre. Nouvelle Terre, nouveaux cieux. Les planètes changeront de direction, ils sont toujours en alignement. Et les constellations changeront aussi. Et au lieu d'avoir Capella, nous aurons probablement Bérénice comme étoile polaire. Donc, parce que ce qui doit arriver. Mais c'est bienfaisant et ça doit arriver, ça arrive périodiquement tous les 25 000 ans. Platon nous dit 25 960 ans. Et de mon Palomar précise que c'est à peu près une date assez exacte. L'année platonique est à peu près 26 000 ans, avec un poil. C'est 25 920 ans, je pense, pour, oui, dans la tradition ésotérique. Pour la tradition, oui. 25 900 ans. On l'a tracé dans deux générations avec la Zen Avesta. Ouais. Ah oui, c'est ça. On dit 25 000 ans. Et un cycle complet, donc, des quatre airs, c'est 64 800 ans. Ah ben oui, il m'en fait erreur. Ah oui, ah oui, c'est des grands, des chiffres astronomiques, mais ça a été calculé. Parce qu'on a des éphémérides assez précieux. Surtout chez les hindous, les autres, qui datent, on a un calendrier de ça, maintenant qu'on fait ça, c'est des calculs. Alors, ce n'est pas une prédiction de malheur, ce n'est pas des prédictions apocalyptiques. C'est simplement ce qui va arriver, faire comme si on prédit la fonte des glaces pour le printemps prochain. Alors, c'est une prédiction, ça peut avoir des dégâts, des inondations, sûrement des ruisseaux, des choses comme ça. Mais ce n'est pas des catastrophes, c'est simplement des faits normaux qui arrivent à travers tous les plans de conscience, toutes les planètes du système solaire. Et pour ce qui concerne la Terre, on doit s'y attendre, et c'est bienfaisant de savoir que ce sera pour le bien de toute l'humanité, toute la planète. Un renouveau de vie. Nous voulions parler de cette initiation. Avons-nous le temps de... On n'a encore pas terminé ce chapitre. Bon, mais donc, oui. Alors, nous n'avons qu'à songer à quelques-uns ou quelques-unes des plus formidables civilisations de tous les temps, telles que Babylone, la Grèce, l'Égypte et Rome, pour comprendre que ni leur richesse, ni leur pouvoir militaire, ni leur érudition classique ne les ont sauvés de la plus complète destruction. Puisqu'au cœur même de ces puissants États, qui au temps de leur ascension apparaissaient invincibles, existait la tyrannie économique sous la forme de l'esclavage humain, la confiscation de la propriété par le biais de la taxation et de la violence, puis la répudiation du gouvernement de tout principe de justice qui aurait pu permettre aux gens de conserver leurs droits face aux fruits de leur labeur. Leurs droits, tout simplement, face aux fruits de leur labeur. Quelques personnes d'un grand savoir ne peuvent transformer une société. Peu importe l'étendue de leur pouvoir, ceci doit être accompli par des gens qui se sont dépouillés de l'idée erronée de la rareté économique ainsi que de l'insidieuse propagande relatant de l'absolue nécessité militaire et politique. Cette instruction est préparée spécialement pour démontrer que toute rareté, pénurie, insuffisance est inhérente à la pensée humaine et n'appartient donc pas à la nature réelle des choses. Cette rareté n'est tolérée que parce que l'homme doit développer la motivation d'enrayer cette condition des affaires humaines. Lorsque cette motivation permettra l'organisation d'une société honorant les droits économiques de l'individu, l'abondance sera disponible pour tous et non pas seulement pour quelques-uns. Il en est de même pour le maintien de la rareté économique par le biais du déterminisme de la nécessité politique et militaire. Ceci disparaîtra également lorsque l'égoïsme humain sera détrôné en haut lieu et servira une cause plus noble. En ce qui concerne la guerre qui s'avère la manifestation, le résultat d'un conflit déraisonnable et insensé, en vue de s'accaparer les ressources naturelles, les marchés de main-d'œuvre ainsi que les profits du commerce international, et qui constitue également l'expression de la cupidité effrénée et déchaînée de la part de ceux qui ne répugnent pas à protéger leurs intérêts par la force, c'est de plus en plus des citoyens du monde refuseront de prendre au sérieux l'appel aux armes en vue de défendre et de perpétuer le maintien de cette inégalité et injustice. Ça devient un cercle vicieux, interminable, cumulatif. Cette conception aurait pu ignorer le statut karmique de l'aspirant spirituel en refusant de considérer la manière dans laquelle, selon laquelle il est requis de maîtriser son existence physique. Mais maintenant, en tant que candidat à l'initiation spirituelle, vous possédez une base pour évaluer votre motivation et votre compétence à remplir les conditions pour obtenir votre citoyenneté à l'intérieur de l'ordre divin, maintenant imminent. Acceptez votre destinée de citoyen de cette nouvelle humanité qui aspire maintenant à régner sur le monde et vous aiderez à conduire la race humaine vers son point de culmination. Voilà qui termine donc ce chapitre. Alors c'est un bel idéal, n'est-ce pas? S'il est entretenu par un nombre suffisant et pour une période suffisamment longue, il ne peut pas faire autrement que se réaliser graduellement. Ça sera inévitable. Ça sera véritablement l'avenue du royaume des cieux sur une planète supplémentaire. Je pense que la Terre, je ne peux pas parler des conditions d'existence sur les autres plans de conscience, mais je pense que la Terre en a grandement besoin, puis il est temps qu'elle subisse la réadaptation à la famille solaire. Il s'agit simplement de se réadapter, de se faire réadopter par la famille solaire, par partie de la famille. Comme je disais tout à l'heure, c'est le retour de l'enfant prodigue. La Terre est là, et cet enfant récalcitrant. Alors, on va aborder maintenant le chapitre de la, je pense que c'est la deuxième initiation théochristique et qui consiste en un exercice de méditation. Alors, on avait vu dans le premier, c'était la concentration. Hein? Justement, oui. Alors, voici, concentrer implique de mobiliser toute notre attention sur un point focal, un point quelconque. Et l'exercice le plus pratique, qui s'implique dès le début, consiste à concentrer sur notre organisme physique. J'avais suggéré de se placer dans des conditions favorables, dans un état de passivité, un état de détente, et de constater la circulation de vie en nous par le biais de circulation du sang. Et en commençant par les forces telluriques, dont on est le détenteur, concentrer la vie sur la plante des pieds, parce que c'est avec les pieds qu'on est en contact avec la terre, n'est-ce pas? Et de sentir la vie, par le biais de notre circulation, monter tout le long de nos membres inférieurs et du tronc, ainsi que de la tête. Afin qu'on dise, la vie ne vient pas seulement de l'hyperespace, elle vient aussi de la terre et la partie matérielle. Et quand les deux, la vie physique, la vie tellurique, la vie de la terre, est bien ressentie dans notre organisme, là, la vie de l'esprit, quand la force tellurique est rendue au cerveau, là, les deux se fusionnent et font ce mariage de la matière et de l'esprit, l'homme devient véritablement initié ou ignitié. J'emploie le mot ignis comme voulant dire feu. Alors, l'humidité de la terre et le feu de l'esprit font une coagulation dans l'organisme humain qu'on peut appeler la naissance christique, la naissance d'un corps qui participe de la terre aussi bien que du ciel, de la matière aussi bien que de l'esprit. Parce que l'idéal, c'est que l'homme étant trinitaire, composé de corps, d'hommes et d'esprit, doit équilibrer les trois pour qu'ils soient ex aequo, qu'ils soient égaux en potentiel. Le corps doit être spiritualisé et l'esprit doit être coagulé ou corporifié. Et quand les deux sont au même niveau, là, l'homme est véritablement immortel. La mort n'existe plus. Il y en a un très grand nombre qui l'ont réussi. Il y en aura infiniment plus dans l'avenir. Que les trois parties constituantes de l'homme, corps et homme et esprit, formeront un tout indissoluble. Et là, l'homme sera véritablement immortel et immortalisé. Et c'est la condition ultime de l'homme, parce qu'il n'y a pas de mort pour l'homme. Rien pour son véhicule, qui n'a pas été suffisamment spiritualisé pour qu'il puisse subir les accidents de matière. Et l'idéal d'immortalité, c'est l'idéal auquel tout homme peut s'attendre, pour peu qu'il le réalise et qu'il vise, qu'il agisse dans cette direction-là. L'homme est potentiellement immortel, corps, homme, esprit, parce qu'il n'est plus trinitaire, il est total. C'est le cas de tous les avatars du passé. Et l'exemple que l'on a, celui auquel on réfère depuis 2000 ans, c'est le Nazaréen qui est véritablement éternalisé. Alors c'est notre modèle, et il nous l'a promis que si l'on suit son enseignement, on atteindra le même état d'excellence ou d'unicité avec le Père que lui-même a atteint. Et c'est le privilège de tout chrétien de tout être christifié qui a subi l'initiation christique, qu'il devienne immortel. Et son corps est éternel, aussi bien que son âme, qu'il est, par la nature, sa participation avec la déité. Alors, ça, c'est la promesse de l'enseignement christique, l'immortalité de l'homme, l'immortalité totale de l'homme. Mais l'homme, ce n'est pas rien que le corps et l'esprit, c'est aussi l'âme. Alors, l'âme vivra toujours dans un corps qui sera uni avec l'esprit. Alors, l'homme est un être trinitaire, son prototype est trinitaire, alors deviendra semblable à son créateur. C'est son destin. De plus en plus, l'homme le réalise, et sur la Terre, présentement, il y en a déjà qui sont des exemples vérifiables, prouvables, constatables de cet état-là. Si vous allez au Tibet, vous allez en constater un certain nombre. Vous avez peut-être lu les œuvres du Tibétain, Jvalkul, dans le Tibet. Il y en a des immortels. Il y en aura toujours. Parce que l'homme tout entier deviendra immortel. Il n'a pas été créé pour rien. Ce n'est pas une expérience cosmique. Ce n'est pas une tentative. Ce n'est pas une épreuve. C'est un dessein que l'homme devienne semblable à son créateur, unifié à son créateur. C'était exagéré peut-être de dire si crûment, mais c'est exactement ça à quoi l'homme peut s'attendre. Il est immortel de par sa nature. Là, cet exercice qui consiste à être bien conscient des forces de la nature, des forces telluriques, afin que cette énergie-là envahisse tellement votre système que vous sentiez cette énergie spirituelle se fusionner avec cette force-là. Là, vous dites qu'il y a deux forces en moi qui sont maintenant unifiées. Que je veuille me prévaloir de l'électricité, si je prends un seul courant positif, et je n'ai pas le courant négatif, je ne produirai pas de vibration, de force. Alors, la force tellurique, la force de la Terre, et la force spirituelle, la force du ciel, de l'espace, nous complètent. Et les deux aspects de l'homme, céleste et terrestre, deviennent unifiés dans un seul organisme. Et c'est le but à atteindre. Physiologiquement, c'est difficile à comprendre. Mais on a des exemples dans la nature. Et quand l'homme aura réalisé que c'est possible pour lui d'immortaliser son aspect physique et de solidifier son aspect spirituel, il sera vraiment humain. Autrement, il n'est qu'un bipède temporairement occupant la surface de la Terre. Après vous être concentré quelque temps sur la croix ornée de bijoux selon les instructions du précédent exercice, vous commencerez dès à présent à tout apprendre sur la forme pensée que vous avez visualisée. La concentration est l'acte de focaliser, de concentrer son esprit sur un objet unique afin d'acquérir de la connaissance à son sujet. La méditation consiste à retracer l'histoire de cette image, de son commencement jusqu'à aujourd'hui. La méditation, tout comme la concentration, a été effectuée par plusieurs, non pas en s'arrêtant sur un objet choisi par le professeur, mais plutôt sur tout objet qui pourrait répondre à l'imagination, à la fantaisie, aux caprices de l'étudiant. Puisque l'étudiant néophyte ne connaît que peu ou rien sur de telles questions, il ne serait pas sage que l'étudiant moyen choisisse son propre objet au sujet pour ce qui concerne les exigences spécifiques de cet exercice. Par conséquent, l'école théochristique lémurienne emploie la croix ornée de bijoux comme symbole universel de la perfection humaine, emblème tout d'abord conçu en Lémurie, qui s'est par la suite perpétué en Atlantide. De même que pour tous les symboles détenant une profonde signification occulte et mystique, la croix ornée de bijoux répond à plusieurs interprétations. Et toutes ces dernières seront traitées, abordées, assez longuement au cours de cette instruction. L'interprétation que nous allons maintenant exposer constitue la première d'une série et servira désormais de fondement, d'assise pour ce qui suivra. Pas mal d'interruption, tu veux bien. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont photographié la croix? Je ne pense pas qu'il y avait d'appareil à photo lorsqu'elle a fini par surgir ici. Non, hein? Non. Uh-huh. Oui? Est-ce que ça a été photographié? Est-ce que vous avez vu les photos? Non? Madame Nadeau, n'est-ce pas? Oui. Bon. Alors, habituellement, les gens qui pratiquent cet enseignement se font une réplique quelconque. Il y en a qui la dessinent pour l'avoir en ex-voto dans leur chambre de méditation. Et à chaque bijou de la croix correspond une faculté sur laquelle on médite. Et finalement, cette croix devient vraiment vivante et elle devient, et puis moins, un phosphène qui reste en permanence en nous. En permanence en nous. Elle fait partie, elle devient vivante. Et le point central, point qui distingue entre les deux bras, verticaux, vertical et horizontal, forme le centre christique. Et ce centre christique-là a pour effet d'éveiller l'œil christique, s'il n'est pas déjà éveillé. Mais quand vous avez atteint cet état-là, l'œil est déjà éveillé, puis vous projetez votre lumière, votre propre lumière, la lumière pinéale, sur ce symbole, et inversement, le symbole devient vivant. Alors, c'est un phénomène, je dirais pas occulte, je dirais pas non plus magique, mais c'est un phénomène tout à fait naturel. Ce que vous contemplez, vous le devenez. C'est une loi de la nature. On a tendance à devenir ce à quoi on s'identifie. Et avec cette croix christique, c'est comme une méditation, comme bien des mystiques ont fait dans le passé. Ils se sont identifiés avec ce à quoi ils méditaient. Ils vivraient. Ah, on a le code 53 aussi, par exemple, l'exemple le plus probant. Bien d'autres aussi. Alors, ce symbole, c'est le symbole de l'enseignement théocratique. La croix ornée de bijoux est un emblème cruciforme embelli de 13 pierres précieuses, 7 rubis, 5 saphirs et un diamant. Chacun de ces joyaux représente une intelligence divine cosmiquement organisée, spécifique et hautement évoluée. Un groupe indivisible d'esprits humains parfaits qui travaillent à élever quelques portions particulières de l'humanité à des niveaux supérieurs de progrès racial. Que cette direction, ce gouvernail soit nécessaire, personne ne pourrait raisonnablement le nier. Ceci s'avère indispensable car l'homme n'a pas encore atteint le moment où, par sa propre lumière spirituelle, il peut clairement percevoir la véridique direction de sa propre évolution. Il doit alors être inspiré, incité d'une fois à l'autre à cheminer en accord avec la progression cosmique. Les intelligences divines auxquelles nous référons constituent en réalité des fraternités comportant un esprit collectif unique. Leur travail consiste à surveiller la Terre, à guérir ceux qui méritent de l'aide, à enseigner à ceux qui recherchent sincèrement la sagesse sacrée, à inspirer et soulager ceux qui demandent à Dieu du secours, de l'assistance, et enfin, surveiller ceux qui complotent et conspirent à renverser, ruiner le monde. Tout cet encouragement dispensé au profit d'une humanité qui lutte et aspire à mieux est offert sans espoir de récompense et sans pensée de reconnaissance. Les quelques vraies grandes âmes qui sont les maîtres de notre propre vague de vie doivent guider avec compassion et miséricorde l'humanité, en grande partie adolescente, impulsive et anarchique. Elles sont celles à qui nous devons notre contact avec le grand œuvre et les âmes avec lesquelles nous sommes destinés à nous associer sur le sentier de la vie initiatique. Nous progressons grâce à leur aide et notre succès, lorsque complet, leur procure le bonheur. Afin de faciliter ce progrès et d'assurer le succès du grand œuvre, encore maintenant une symphonie inachevée de création humaine, les grandes âmes ici mentionnées s'unissent dans des écoles sacrées qui sont au nombre de 12. Le but de ces 12 écoles sacrées est de rendre accessible aux néophytes les avantages et les privilèges de l'initiation, être membre au sein de leur propre fraternité. Les maîtres qui possèdent les plus hauts degrés de ces écoles sacrées, que ces écoles sacrées puissent offrir, sont des êtres humains, comme vous-même, à l'exception qu'ils sont parvenus à un stade d'évolution au-delà des réalisations normales des races actuelles. De tels maîtres demeurent humains, bien que stature, d'envergure angélique, jusqu'à ce que l'humanité entière soit prête à accéder au niveau de vie angélique. Cette sage précaution permet à cette portion accomplie de la race à aider ceux en voie de réalisation. L'origine de ces écoles sacrées remonte aux 12 tribus de la terre-mère lémurienne. Chacune de telles écoles enseignant à une de ces tribus un mystère fondamental de la création. Durant les époques qui ont succédé à l'ère lémurienne, ces 12 écoles se sont graduellement rassemblées en deux groupes de 7 et 5. 7 écoles enseignant ce à quoi on réfère par l'appellation mystère mineur, et 5 dévoilant les mystères majeurs. Les fraternités qui mettent l'accent sur les mystères mineurs sont identifiées aux écoles des mystères mineurs. Ceux qui mettent en relief les mystères majeurs sont appelés les écoles des mystères majeurs. Ne confondez pas ces écoles avec des soi-disant sociétés secrètes et des ordres fraternels clandestins qui fonctionnent à partir de quelques sièges sociaux terrestres. Les écoles constituent des fraternités dans le sens le plus strict et le plus noble du mot. Seuls les éléments les plus valables et dignes, les dûment qualifiés parmi les humains, sont autorisés à pénétrer dans l'enceinte sacrée de leur divine science. Et lorsque le néophyte y entre, cela se passe habituellement sur des plans supérieurs de connaissances, au-delà du plan physique. L'initiation supérieure a lieu dans un état, je ne dirais pas post-mortem, mais dans un état de détachement de l'enveloppe charnelle. C'est inoubliable, naturellement, ce point de jonction entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Maintenant, un mystère représente un problème dont la solution donne accès au secret de l'univers. Chaque mystère constitue une clé de la symphonie à 7 dimensions de la création. Et puisque le clavier magique est interrelié et indivisible, la solution d'un mystère suffit pour nous fournir la réponse, la solution à tous les autres. Lorsque nous différencions la couleur blanche issue de la pure lumière solaire en les 7 couleurs visibles du spectre, nous pouvons facilement et rapidement comprendre la véracité du symbolisme mentionné. C'est la loi de Sepner, exprimée par l'octave. C'est la loi universelle qui a sa répercussion dans notre organisme psychique, physique et spirituel. Alors, nous sommes des êtres trinitaires voués à une conscience, à une triple conscience, corps, âme, esprit. Spiritualiser corps et corporifier l'âme, c'est la chose résumée. Alors, afin d'unifier les deux aspects de notre nature, l'aspect matériel et l'aspect spirituel. Chacune des écoles des mystères mineurs appartient à l'un de ces 7 rayons, symbole des 7 groupes fondamentaux d'êtres humains qui composent l'humanité. Et bien que chaque école apparaisse distincte et séparée, toutes pourtant se fusionnent dans la blanche et pure lumière du soleil central. Ordinairement, un membre d'un groupe ne peut se combiner avec succès avec des membres d'un autre groupe à partir du même principe que les couleurs, tout comme les notes de musique peuvent être assorties harmonieusement selon des combinaisons appropriées, mais peuvent s'avérer discordantes les unes avec les autres si combinées sans discrimination. Cependant, puisque la direction de la nouvelle race se trouve vers cette zone de l'océan Pacifique, antérieurement le centre de la civilisation lémurienne, la nouvelle race qui vient est dite celle des 7 rayons, et par conséquent constitue la résultante, le produit de toutes les 7 écoles, les 7 écoles sacrées, dont les origines remontent à cette terre ancienne de la Lémurie. Alors c'est vieux, très vieux, mais les records en existent, appelez-le les records cachés, tout simplement mémoire de la race, ça revient au même, rien ne se perd dans l'univers, et tout ce qui a existé peut se recouvrer, c'est exactement ce à quoi on peut s'attendre, et ça vient rapidement. À la fin du siècle, ces 7 écoles seront réunies, et le cheminement se fait assez rapidement. Mais est-ce que ça laisse supposer que l'ancien continent lémurien qui se trouvait dans le Pacifique va ressurgir? Définitivement, il le fait déjà. Et ce sera lui qui sera à ce moment-là le terrain ou la terre promise en c'est question. C'est possible, c'est possible. Les Upanishads en parlent à bâton rompu, mais ça laisse à douter. Mais tu vas m'en donner une appréhension. Toute la tradition théosophe aussi fait mention du Pacifique comme étant cette nouvelle terre. Oui, oui, la tradition théosophe fait que oui. Blavatsky l'a intimé dès le début, Nibesan également, et Krishnamurti en outre aussi. Vous, chers étudiants, provenez du plan évolutif de l'un de ces sept rayons de l'humanité. Cela signifie que lorsque vous avez atteint le développement physique, mental et spirituel requis, vous serez directement en contact avec l'école spécifique qui englobe et éclipse le groupe auquel vous appartenez. Ben, nous appartenons au groupe Ariane, n'est-ce pas? Pourquoi englobe et éclipse? Ben voici, une éclipse de soleil, c'est une obscuration totale du soleil, n'est-ce pas? Mais pour ça, il y a un jaillissement de lumière. Il faut qu'il y ait une obscuration de la lumière pour que tout jaillir un coup d'éclat. C'est ça qu'il veut dire. D'accord. Si vous possédez un insatiable désir de savoir, si vous souhaitez comprendre et apprivoiser la perception spirituelle, et si vous détenez l'intelligence d'utiliser une telle connaissance pour servir les intérêts d'un monde parfait, soit que vous avez déjà reçu une initiation, ou soit que vous êtes sur le point d'en être honoré. Si des questions surgissent dans votre esprit concernant l'initiation donnée par l'école théochristique lémurienne, veuillez s'il vous plaît les garder en réserve jusqu'à ce que vous ayez étudié la loi d'initiation telle qu'expliquée dans la leçon 5 de cette conception. Elle est précise. Elle vous donne des directives infaillibles pour l'atteindre automatiquement et infailliblement. Ça s'impose. Tout comme un lever de soleil, il ne peut pas être évité. Que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, j'en ai conscience. Pour le moment, il est sage de retenir que cette école des études frontières de l'université mondiale ne fournit simplement que les moyens par lesquels vous pouvez être informé sur ce plan des conditions requises. L'actuel processus d'initiation constitue l'unique préoccupation de l'école sacrée elle-même. Les sept écoles sacrées ou écoles des mystères mineurs qui travaillent présentement avec la plus grande partie de l'humanité sont les suivantes dans l'ordre de leur progression du rouge au violet, considérant l'humanité en termes d'un spectre symbolique. Jusqu'à l'ultraviolet qui est la totalisation de la lumière incolore. Ok, on y va. Alors, rosicrucienne. Ben. Luciférienne. Oui, Lucifer, c'est encore porteur de lumière. Faut pas le prendre au sens péjoratif. Lucifer, porteur de lumière. C'est dans le plus brillant des ordres célestes. On l'a bien vilipendé, mais l'interprétation qu'on lui prend, c'est celui qui est comme porteur de lumière ou conférateur de lumière. Est-ce que c'est un peu rapport avec la gnose? Je sais pas. C'est la gnose. C'est la gnose. Oui. La gnose authentique, la gnose alexandrine. Dont la racine est la connaissance. La cognition véritable. Oui. Oui. Cognition instinctive. Alors, rosicrucienne, luciférienne, hermétique. Bon, d'après Hermès, ça, c'est, oui, justement. Alors là, c'est symbolique. Symbolique, oui. Mais avec le paraphernalia de la matière, manipulation de la matière, tel que dans l'alchimie, par exemple. Oui. Alors, l'hermétisme serait par le biais de l'alchimie. Manipuler la matière pour arriver à la lumière. Théochristique. Ah, ben, c'est chez nous, ça. Esséniéenne. Bon, les Esséniens, c'est la lignée de Jésus, n'est-ce pas? Pour de Samuel, 1800 ans avant Jésus-Christ, pour arriver à Jean-Baptiste, l'annonciateur de Jésus. Ouais. Le baptiseur de Jésus, justement. Ouais. Alors, c'est toujours suivi le même cheminement. Coptique. Ah, les Coptes, les Égyptiens. Oui. Les Égyptiens, proprement dit. Mais souvent, ils ont dévié. Parce qu'il y a eu des éléments arabes qui sont introduits au 6e siècle avec Mahomet. Mais il y a une petite déviation. Une espèce d'hérésie qui s'est faite. Oui. Mais tout de même, on l'accepte encore parce qu'il y a un fil d'or qui passe à travers tout ça. Oui. Oui. Et brahmique. Ah, les brahmans en Égypte, en Inde, hein, les brahmans. Alors, brahma, c'est un équivalent de la déité. Alors, je les répète dans l'ordre. Là. Okay. Rosicrucienne, luciférienne, hermétique, théochristique, essénienne, coptique et brahmique. Justement. Alors, nous, nous concentrons notre énergie et notre étude sur l'enseignement théocristique. Parce que, comme ambassadeur de Dieu, c'est le Christ, ou le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Alors, comme nous sommes de la lignée judéo-chrétienne, nous adoptons le Nazaréen comme notre avatar, comme notre modèle, comme notre exemple, et nous ne pouvons pas faire fausse route. Autrement, on sera mélangé à des éléments avec lesquels nous ne sommes pas suffisamment familiers. Alors, l'enseignement théocristique, c'est ce qui nous convient, convient à cette nouvelle race. Et en Amérique, ce sera le réveil de cette nouvelle race. Hein? Ouais. Certaines de ces écoles ont pris des noms différents dans le passé, mais en grande partie, elles sont connues telles que désignées. L'école théocristique représente le titre, l'appellation moderne de l'ancienne Lémurie, qui, à l'origine initiale, première... J'ai bien du mal à déchiffrer ça. Des synonymes, peut-être? Est-ce que vous arrivez à lire ceci, là? Mahayana? Non, il y avait là. Les premières... Narayana? Ça peut être ça, Narayana. Oui, Narayana. Oui. Narayana. L'hindou. Oui, Narayana. OK. Donc... qui est à l'origine initiale, premier Narayana. Oui. Une des 12. Hinayana ensuite, oui. Une des 12 tribus de la Terre-Mère. C'est grand véhicule, le petit véhicule. Oui. Une des 12 tribus de la Terre-Mère. L'école hermétique fut jadis connue comme la Mercurienne, inspirée originalement par le maître de Mercure. On se souvient de l'école esséniéenne comme de l'école sacrée de Palestine, où Jésus fut instruit et initié. Bon, quand même. L'école de Samuel, du prophète Samuel. L'école coptique fut située pendant longtemps dans la grande pyramide de Gizeh, qui en ces temps reculés s'avérait un temple renommé d'initiation. L'école brahmique a inspiré toutes les religions de l'Inde et de l'Extrême-Orient, tandis que l'école rosicrucienne est probablement la plus familière de par son nom dans le monde occidental. L'école luciférienne, telle que l'indique son nom, reçut l'autorisation, l'approbation angélique de Lucifer, qui amorça, entreprit le développement moral de l'homme en lui offrant la liberté de choix entre le bien et le mal. Justement, voyez-vous, on a beaucoup vu dépendre de Lucifer, mais c'est le conférateur de lumière. Hein? Et lui voulait donner liberté d'action, volonté libre, au lieu de lui imposer une croyance aveugle. Alors, cette école luciférienne, il faut la considérer comme bienfaisante. Alors, de lumière. D'accord, on va s'arrêter ici parce que quand même, il est déjà 5 heures. Hein? Sans quoi ça nous amènerait à 6h30. Puis il faut vous dire aussi qu'Alexandre Lachance vient de faire un séminaire qui a duré 6 heures à Québec. Ensuite, il y a eu 6 heures de route. Et après ça, elle a donné encore 5 heures de son travail ici. Je pense qu'on va le laisser se reposer. On continuera donc la suite de l'initiation théocristique. Je vais vous donner les dates. Les dimanches soirs pour le mois de novembre à 20h le 3 novembre. Oui, c'est ça que j'ai, oui. Le 10 novembre et le 17 novembre. Oui. Donc, trois dimanches soirs qui se suivent à 20h. On revient donc à cette heure-là, à 20h. Et le 24, c'est le symposium initiatique auquel participera Alexandre Lachance, dont le titre du symposium est « Réconciliation avec la vie », en compagnie du docteur Pauline Sévigny, du docteur Michel Taillefer, Robert Domingue et Alexandre Lachance. Bon, un beau programme. Ouais. Alors voilà, il y aura donc une suite à cette deuxième initiation, donc le dimanche 3 novembre à 3h. Oui, après-midi, 3h. Oui. Le dimanche 3 novembre à 20h. À 20h, oui. Oui. Dimanche 3 novembre, oui. Non, rien d'autre à ajouter. La semaine prochaine, on revient en compagnie des conférenciers habituels. Et puis, suite de ça, c'est le symposium. Ça fait que, Alexandre, je vais conserver ceci. Oui.